Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le plan de cette semaine à Assemblage Rookie. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a dans C'est un fait. On existe pour dépenser notre argent dans 5 minutes, ça devrait répondre là. Et on bouffe et malbouffe dans la bouffe et la malbouffe de la semaine. Ouais. Assemblage Rookie commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie pour la semaine du 18 août 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Ça va? Ça va très bien. Avant-dernière semaine d'Assemblage Rookie pour la version estivale. Déjà? Oui, déjà. Hey, estivale, j'ai mis une petite robe. Ça faisait longtemps. T'as mis une petite robe, oui. J'essaie de comprendre. J'étais comme... On dirait qu'il me venait un jeu de mots. Estivale. Mon nom, c'est pas Val, c'est Matt. Estivale. Mais je vis une sorte de contradiction. Une petite journée d'août, je dois mettre une robe. Mais je suis allée m'acheter des pastilles pour la toux. je suis comme en mode hivernal chaud. C'est comme un paradoxe ambulant. Ouais. Si on veut. C'est, je sens le menthol. Ouais. Ouais. C'est le pluriel de manteau, ça. Hein? Plusieurs manteaux. Oui, c'est ça. Donc, cette semaine à Sondage Rookie, on va faire comme on a fait depuis les dernières semaines. Depuis qu'on est revenu de vacances, on peut aussi arrêter de parler des vacances qu'on a prises il y a un mois sans sac de ça. Estival. Merde. Estival. On a... trois chroniques, encore une fois, aujourd'hui. Des grosses chroniques. On va... dit juteuse. On dirait que j'ai envie de dire des jurons sans cesse. Mais c'est pas mon genre, ça. Ben rien. On dirait que chaque mot t'es-tu me fait fâché? Penser. Non. Donc, on a C'est un fait dans la première heure, bien sûr. Ensuite, Saint-Smith, ça devrait répondre là en deuxième heure. Et devine quoi en troisième heure? Je sais pas. Voyons. Regarde le plan. La bouffe et la malbouffe de la semaine. Oh, oui, c'est ça. Pour terminer. Oh, oui, à la toute fin. Ça a bien été les dernières semaines dans ce format-là, donc on va continuer comme ça, alors qu'il nous reste encore du temps pour faire des très, très, très longues chroniques. On n'a pas de chroniqueur. As-tu remarqué, on met ça à la toute fin, oui. Au moment où on a faim. Oui. Hein? L'appétit vient en fin, mangeant. Et, fin. C'est comme des hommes en fun. Des hommes en fun. Justement, on va en avoir beaucoup. C'est super LGBT, tout ça. Du fun, tu veux dire? Ouais. Non, des homos. Des homos, OK. Non, c'est ça, c'est très LGBT, c'est très fierté, tu sais. LGBT, on dirait un sandwich en passant, je trouve. C'est un LGBT. Oui, laitue, graisse, bacon, tomate. Tomate. Je vais dire Gaétan pour le G, tu sais. Oh, sandwich au Gaétan? C'est très LGBT. Je sais pas. Moi, le Gaétan que je connais le mieux, il était pompiste. Fait que j'ai l'impression que ça va goûter le gaz. Le Gaétan que je connais, il est tout le temps servi avec du bacon, de la laitue et des tomates. Ça tombe bien. Quel hasard! Voilà, LGBT. c'est ouais. C'est un fait dans quelques instants, mais avant ça, une chanson du côté anglophone du palmarès, parce que vous savez peut-être, c'est la semaine franco dans les palmarès C'est fou, dans cette édition la plus récente. Donc on s'en va entendre du côté anglo de Chad Van Galen. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, je l'adore cette chanson-là, c'est Where Are You? Ben je titre. Tu sais? Je suis en avant de toi. Hein? Je suis en avant de toi. Ouais, ben t'es là, moi. Ben pourquoi tu me le demandes? Ben, des fois je parle à carte, hein. À plus. Ah, évidemment. À plus. La carte à plus. Ah. Ouais. Tu te scannes ça d'en face? Ma carte à plus. Non, ça va, merci. Dans ta fente? Oui, merci. S'il te plaît. We'll be right back. Bon, on pourrait rien dire. C'est comme une minute de absolument rien à la fin de la chanson. Il se passe, c'est juste comme... Fait qu'il faut faire ça nous autres aussi? C'est ça, fait. Vas-y. Pouit, sac à bouille. C'était quoi les mots? Pouette, sac, sac à poêle? Sac à bouette. Sac à boîte? Bouette. Bouette? Ouais, bouette. C'est quoi un bouette? Faut tout t'expliquer, t'es pas. Je vais aller sur Wikipédia. Sur bouette Wikipédia. Ça nous amène à chanter une autre chanson, mais avec un petit peu plus de rythme. Ben, en fait, pas vraiment. Ah! Hey, il y a un hôtel-restaurant à la bouette. C'est à Saint-Martin-de-Belleville, en France. Attends, c'est où qu'elle a la bouette, déjà? Ta mère, je sais pas. Ah, elle a la bouette à Saint-Martin-de-Belleville. Et voilà. Ça nous amène à C'est un fait. Non, on va être sérieux là, dans notre chant. Là. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Oui, oui, j'ai oublié les épaules. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Oui, oui, c'est un fait. Oui, oui. OK. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques et véritables et vérifiables. Et sérieuses. Très, très, très, très sérieuses. L'intro le prouve. Uh-huh. Hein? Donc, on va faire ça selon Internet, bien sûr. Les sources sont sur assemblagerequis.com. On dira jamais assez. Commençons avec quelque chose qui est pas de marde. Qui est pas de défécation. C'est pas de défécation? Oui, oui. Comme information, mais ça parle de défécation. OK, OK. Donc, bon appétit pour ceux qui mangent. Rome. Dans le temps, c'était une société très sophistiquée, tu sais. Là, tu me parles pas d'alcool? Non, ni de femmes, ni de la bière, nom de Dieu. Donc, Rome, au 1er siècle. The first one ever. Firsties, le 1er siècle. Ever après Jésus. Après JC, exactement. Donc, avait, genre, environ plus d'une centaine de toilettes de salles de bain publiques pour que les gens les utilisent. Certains avaient même, certains emplacements, avaient des sièges en marbre. On pouvait s'asseoir dessus. Et il y a des scènes de la mythologie grecque qui étaient peinturées sur les murs. De l'eau courante. OK? Une genre de, si on veut, de forme de papier de toilette, entre guillemets, était aussi fournie. OK? Donc, le papier toilette, c'était entre autres des feuilles où tu pouvais utiliser ta main gauche. Donc, on a déjà entendu ça dans certains pays en Afrique. Ouais. Ouais. C'est malheureux pour eux. Ouais, ça dépend. Pas si t'es droitier. C'est pas si exactement. C'est ça. Donc, bah, la plupart des Romains, utilisaient quelque chose qu'on appelait une spongia. S-P-O-N-G-I-A. C'était une éponge de mer sur un long bâton. Le bâton devait être long à cause de la structure et du design des toilettes romaines. Les salles de bain publiques avaient de longs bancs de marbre avec des trous sur le dessus et à l'avant, donc entre tes jambes. Il y avait aussi, il y avait un trou qui menait vers l'eau, c'était devant toi. Tu faisais des affaires directement à côté de tes amis, il n'y avait pas du tout de séparation entre les toilettes. Les Romains portaient des tuniques. Ils ne portaient probablement rien en dessous, c'est ce qu'on en pense de nos jours. Ils donc montaient le derrière de leur tunique, étaient capables de garder le devant modestement couvert. Quand ils avaient terminé de faire ce qu'ils avaient à faire, ils rinçaient l'éponge dans le courant d'eau qu'il y avait devant eux à leurs pieds, sans avoir à se lever pour se révéler. Et ils passaient l'éponge dans le trou dont j'ai parlé tantôt, qui était à l'avant entre les jambes, pour aller ensuite dans l'autre trou avec le bâton qui était en dessous de tes fesses, pour aller faire le fouit. Ça tombait là compliqué. Pour vrai. Hein? Et ensuite, ils rinçaient l'éponge une deuxième fois et remettait ça dans le bassin pour la prochaine personne. Ah, c'était toute la même éponge! Tout le monde! Tu sais, quand t'es proche de tes amis parce que tu t'es torché avec la même éponge. Ben oui, c'est à air ouvert, puis on partage l'éponge. Et voilà. C'était à l'époque des Romains. Penses-tu que ça vient de là, l'expression hein, « passer l'éponge»? Non, peut-être. Ça passe. tu connais Mini-Moi? Ben oui! Vern Troyer, c'est le nom de l'acteur qui joue Mini-Moi dans la série des Austin Powers. Ou en français, Austin la puissance. Non, c'est pas non. Donc, les cascadeurs et les cascadeuses, c'est des personnes qui sont appréciées dans le domaine cinématographique parce que ça empêche les vedettes d'avoir à faire leur propre cascade. Et évidemment, c'est moins dangereux de perdre la vedette si tu vas juste perdre un minuscule cascadeur pas important. Hein? Ben non, c'est ça. Ça sert absolument à rien. Et donc, parlant de minuscule, des fois, c'est difficile de trouver un cascadeur pour tout le monde. Hein? Et Vern Troyer n'a jamais réussi à trouver, pas lui-même, mais l'équipe n'a jamais réussi à trouver un cascadeur de la même taille que Vern Troyer, que Mini-Moi. Donc, Troyer, qui est à 2 pieds 8 pouces, fait ses propres cascades lui-même. C'est cool, hein? Troyer a, par contre, ce qui rend la chose plus normale, en fait, qu'il ait fait ses propres cascades, c'est qu'il était cascadeur dans une précédente carrière. Ah, pour vrai? C'est vrai. Il était d'ailleurs le double, le stunt double pour le bébé du film Baby's Day Out en 1994. Ouais, c'est quoi en français? C'est Baby's Day Out Wicked. On va aller voir ça. En français, c'est Bébé part en vadrouille en France. Ouais, ouais, non, c'est ça. Hein. Au Québec, c'est Les aventures de bébé. Voilà. Ça a plus de sens, hein? Ça me dit pas grand chose, mais 94. Bébé part en vadrouille. Wow. Passe la mop. Des fesses du monde. Oh. À l'époque romaine. Donc, bravo à Vern Troyer, cascadeur, acteur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, cet homme? Absolument rien, parce qu'il est super drôle en plus. J'allais dire quelque chose, genre plier les genoux, je sais pas. Comment? Mais non, il est écœurant, cet acteur-là. Il est vraiment super drôle en plus. Ah oui. Donc, en 1957, maintenant, les inventeurs Alfred Fielding et Mark Chevanis ont essayé de créer du papier peint en 3D, de la tapisserie en 3D, d'accord? Malheureusement, le papier peint n'est pas jamais été à la mode, leur papier peint, mais ils ont réalisé qu'on pouvait l'utiliser pour emballer des objets. C'est devenu le papier bulle. Le succès et la popularité du papier bulle est tellement énorme que le dernier lundi de chaque mois de janvier est ce qu'on appelle le Bubble Wrap Appreciation Day. La compagnie de jouets Bandai a même créé un bubble wrap virtuel, un jouet qui s'appelle Mugen Pucci Pucci. Une version a été créée même pour la Wii. Est-ce que tu as vu sur la Roku, il y a un petit jeu qui est bubble wrap et tu peux cliquer et juste péter des bulles. C'est dommage cool. C'est vraiment plate, mais c'est drôle. Ben, c'est ça. Ben, c'est comme tout le monde qui achète un iPhone ou un iPod Touch. C'est une des premières applications que tu télécharges. C'est une lampe de poche dans le temps, un briquet. Ben oui. Ah, ben oui. Les bulles. Ouais. Les bulles, non. Je sais jamais allé chercher ça. Ouais. À essayer. À essayer. Et ensuite, à effacer. On s'en va en Allemagne maintenant, où le jour de la fête des pères est une tradition. Ben, une tradition dans tous les pays. Bien sûr, la fête des pères, c'est rien de nouveau. Généralement, ça célèbre le fait d'être père, hein, le lien paternel et l'influence des pères sur la société. Ça, ça va. L'Allemagne le célèbre un petit peu différemment. Par contre, Father's Day, la fête des pères, est aussi nommée de d'autres noms. C'est Men's Day et Gentleman's Day. Donc, c'est une journée qui est plus pour l'homme en général que pour les pères, plus spécifiquement. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, c'est devenu une tradition pour les groupes d'hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux, d'aller faire des promenades, de l'hébertisme qu'on appelle, c'est ça? De la randonnée? L'hébertisme, ça, c'est plus comme avec des cordes puis ouais, tout ça. C'est là. Plus compliqué, hein? Ouais. Ouais, c'est donc, plus compliqué, c'est plus salissant aussi. Juste de la randonnée, juste marcher et bâton, hein? Marcher? Avec des bâtons? Avec des bâtons. Pas d'éponge, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a des bécosses où vous faites des randonnées. Donc, ils traînent un petit wagon, genre de vin, de bière et de nourriture qu'ils vont tirer derrière eux. C'est une belle randonnée. Pour aller boire maison. Donc, c'est une tradition de se saouler à la fête des pères en Allemagne, surtout dans l'est de l'Allemagne. Selon le Federal Statistical Office of Germany, les accidents reliés à l'alcool sont multipliés par 3 à la fête des pères. C'est comme à Saint-Jean, ici. C'est pareil. Donc, sauf que c'est Saint-Jean, Saint-Gaétan... Saint-Fernand, toutes les pères. Saint-Serge. Donc, la fête des pères est célébrée exactement 40 jours après Pâques chaque année. Et c'est ce qu'on appelle Ascension Day, la journée de l'Ascension. J'imagine l'Ascension comme dans Benji-C. J'imagine qu'il monte à quelque part. Aucune idée. Ou dans la Bible. Mais c'est bien qu'ils célèbrent tous les hommes parce qu'il y en a sûrement à travers qui sont pères sans le savoir. Exactement. Une autre émission à Canal Vie. Un jour, l'approbation de Canal Vie va être remplie que d'émissions qui a dans le titre sans le savoir. Sans savoir, mais oui. Il y a une femme qui, sans savoir, à la base, avait 2 fois l'ADN dans son corps. C'est Karen. Le même ou deux fois différents? Deux fois l'ADN, mais différent. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Donc, c'est Karen, une mère âgée middle age, là, dans la moitié de sa vie, quarantaine, dans ses coins d'habitude. Mère de 3 enfants qui vivait près de Boston, a entendu dire qu'elle avait besoin de son docteur, d'habitude. Entendu dire. À TV, elle s'est dit, ah ouais, bonne idée. Qu'il fallait qu'elle se fasse opérer au kiné, c'est foie. Non. Poumon. Oui. En tout cas, je sais que c'est pas foie, parce que foie, c'est liver. Et voilà. Liver, c'est foie. Kidney, c'est poumon. On les mélange tout le temps. En tout cas, moi, j'ai mélangé les deux tout le temps. Ben, liver, je trouve ça facile. C'est pas une sorte de savon, ça? Pour chacune des parties de ton anatomie. Mais oui. Prends ça de boucher, voir. Et voilà. Bref, qu'est-ce qu'on disait qu'elle avait besoin d'une chirurgie au poumon? Au kidney. Aucune idée ce que tu voulais dire. Ah, c'est drôle, ça. Est-ce que tu notes ça? T'as-tu un crayon? T'as peu, je vais m'ouvrir les veines, je vais écrire avec mon sang, j'ai pas de crayon. Je vais te lancer un crayon, parce qu'à chaque puis fois. Là, tu vois. Non, non, je vais te péter le foie, là. C'est qu'à chaque fois qu'on a un bon titre pour l'épisode, le lendemain, quand je découpe le MP3, je cherche pendant 2 heures. C'est tellement intéressant. Fait que, tu sais, celui-là, il est bon. Je vais recommencer pour ceux qui veulent le fait au complet sans avoir d'obstruction. Karen, femme de la quarantaine, avec 3 enfants, qui avait besoin d'une chirurgie au poumon, elle a dit donc à ses 2 fils les plus vieux et à son mari qu'elle allait devoir se faire faire un test d'ADN. Donc, les garçons n'ont pas matché avec l'ADN de leur mère. Ils matchaient par contre avec le père. Les tests, donc on dit que Karen n'était pas leur mère, même si c'était elle qui leur avait donné naissance. Et là, c'est pas pareil comme dans le cas où tu sais pas qui est le père parce que la fille a accouché avec plusieurs, puis elle a accouché, tu sais, c'est pas bon père. Mais non. C'est sûr que c'est leur mère. Elle a accouché deux autres. À moins que ce soit de l'insémination artificielle, ça se peut juste pas. Non, t'sais. Mais elle pourrait être mère porteuse sans le savoir. Peut-être. Ou peut-être qu'elle est vraiment épaisse, puis elle a accusé son mari. Tu m'as trompé! Comment as-tu pu? C'est pas mon ADN, je suis pas la mère! Alors, dirait Jean Froid, ça merci, mais d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on disait? C'est un rein. C'est un rein. Kidney. Kidney. Voilà. Donc, c'est pas un rein? Oui, c'est un rein. Je crois que oui. Ouais. Oui. C'est ouais. En tout cas, c'est ça de même. L'ADN reste pas le même. C'est ça. C'est absolument pas important pour l'histoire, mais on aime ça avoir la vérité, tu sais, des fois. Donc, c'est ça, les enfants matchaient avec le père, mais pas avec la mère. C'était donc c'était une première pour les docteurs, évidemment, les médecins, qui ont décidé de prendre des échantillons non seulement de son sang, mais aussi de sa glande thyroïde, de sa salive, sa peau, ses cheveux, son urine et ses organes vitaux. Interne, wow. Voilà. Donc, ce qu'ils ont appris a impressionné tout le monde. Karen avait deux ensembles d'ADN, donc il était deux personnes. Elle est encore demain, elle est pas morte. Là. Donc, la mère de Karen était enceinte, c'est ce qui est intéressant. La mère de Karen était enceinte de jumelles. Et dans les quatre premiers jours de sa grossesse, les deux embryons ont fusionné pour former une seule unité. Les jumelles ne se sont pas mélangées pour faire une seule personne. En fait, elles ont juste réclamé différentes choses. Donc, une jumelle a réclamé le sang, l'autre a réclamé la glande thyroïde, etc. etc. Donc, elles ont chacune leur ADN unique. Donc, Karen est en fait une personne plurielle, ce qu'on appelle chimera. Si c'était arrivé après 4 jours de grossesse, elle aurait été née jumelle siamoise. Wow. Mais c'est arrivé à l'intérieur de 4 jours, donc c'est juste séparé. C'est limite. C'est vraiment limite. Wow. Donc, une des jumelles a donné naissance à deux garçons, à ces deux garçons, dans le fond, à Karen, mais c'était pas la jumelle qui avait réclamé le sang. Donc, bref, l'histoire de sang, ouais, l'ADN, ouais. Tout ça est un même. Peu trop intense biologie pour nous autres. On a de la misère à traduire kidney, hein? Fait que demandez-en pas trop. En Finlande, il y a un groupe de heavy metal pour enfants. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce que tu veux entendre? Mais certain. J'imagine. Dans quelques instants, je vous en parle avant. Donc, c'est Evisoris, qui est un groupe finlandais de heavy metal pour enfants, qui se déguise en costume de dinosaure. Le band, c'est cute, hein? C'est comme... c'est qui le dinosaure mauve? Barney. Arthur, bien sûr. Arthur? Non, parce que Barney dans les pierres à feu s'appelait Arthur. Fait depuis ce temps-là, tous les Barney sont des Arthur. Ah, OK. Dont Barney dans How I Met Your Mother. Tu te rappelles pas de cette anecdote fascinante? Oui, mais... C'était fascinant, ça. Oh, mais moi, j'ai jamais écouté ça en anglais, les pierres à feu. Non, c'est ça. En tout cas. Donc, qu'est-ce que je disais? On parlait de Heavisaurus, le nom du groupe de heavy metal. C'était démarré par, lancé par Mirka Rantanen, le batteur pour le groupe Thunderstone. Leur premier album s'appelle Kings of Jurassic Metal et a été sur les palmarès d'albums finlandais pendant 10 semaines. Selon l'histoire, genre l'historique de Heavisaurus, les membres du groupe sont sortis de 5 œufs en métal qui étaient enterrés dans une montagne. Pendant 65 millions d'années. Il y a 65 millions ça, d'années. Ça veut dire que ça fait du egg V metal? Oh! Hein? Hein? Donc, c'est beau, c'est vrai. Ils sont nés de métal. L'éclair et de la sorcellerie, apparemment, ont sorti les œufs de la terre et les ont ramenés à la vie. Voilà. Donc, on peut aller entendre un extrait de Heavisaurus. C'est leur chanson Ray. Raymond. Ray. Ah, Raymond. Ou Rayon, peut-être. C'est épique. Vraiment. C'est très... Game of Thrones ou autre. Mais pourquoi c'est pour les enfants? Je me demande vraiment ce qu'il dit, hein? Moi aussi, j'ai pas les paroles en français. Peut-être que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel qui chantent et scandent. Apprendre à compter. C'est ça. Ben, le vidéoclip montre les dinosaures avec leurs costumes très enfantins quand même. Et il y a un enfant, un petit garçon avec eux qui découvre des affaires dans la forêt. Donc, il ouvre une porte, il y a de la lumière. C'est plus visuellement enfantin. Et j'imagine que c'est pas aussi intense que du métal comme on s'attendrait à entendre. T'sais, le bout qu'on a entendu là, c'était le bout le plus intense. C'était pas si pire que ça. T'sais. C'était pas dérangeant comme métal. T'sais. Non. C'était pas réanimation mardi soir 19h. Ah, c'est fou. 80 FM. Donc, j'aime bien. Bon, on peut laisser continuer. Hein, de toute façon, on s'attache. Ça déconcentre pas, on comprend rien. Une étude de Pew Research nous apprend que les athées connaissent plus la religion que les gens religieux. Ah! Eh bien, selon une étude... C'est pour ça qu'ils sont devenus athées. Probablement. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas ensemble. Des incohérences. Quand t'es au courant, tu t'en vas, ça. Donc, selon une étude de 2010 de Pew Research, les athées ont un score religieux qui détruit complètement ceux de leurs compétiteurs religieux. L'étude a posé 32 questions sur différents aspects de chaque religion, dont la Bible, le judaïsme, oui. Hein, le christianisme, hein, la religion en public, etc. Donc, les athées et les agnostiques. Eux ont en moyenne répondu correctement à 20,9 questions sur 32, alors que les chrétiens avaient en moyenne 15 questions répondu correctement. En deuxième place, les juifs ont répondu en moyenne 20,5 questions correctement sur 32, et les mormons, eux, en moyenne 20,3. Le test était compilé avec 5 questions par rapport à l'Ancien Testament et 2 questions sur le Nouveau Testament. Il y avait aussi entre 3 et 5 éléments de questions sur le judaïsme et le mormonisme. Hein? Les religions du monde, donc il y avait aussi des questions sur le ramadan, le Coran, le Dalai Lama, l'hindouisme, la mythologie grecque et plus. Voilà. Intéressant quand même. Ouais, je serais curieuse de voir le questionnaire. J'aimerais ça y répondre. Moi aussi, je pense qu'on ferait probablement des... En tout cas, moi, je ferais un fou de moi probablement. Ça dépend. Je l'ai pas lu, la Bible. Si... Ben, j'en ai lu une partie. Okay. J'étais bizarre à l'époque. Là. Mais si tu sors du christianisme, puis on veut, je suis pas sûre que je serais forte. Non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Le ramadan, ça? Mais non. Pas sûr. Michael Jackson, tu connais? Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Savais-tu? J'imagine que tu savais en fait qu'il avait participé aux Simpsons un peu. Peut-être. Non. Ça? La chanson de Bartman, c'est pas ça? C'est vieux. Ouais, c'est très vieux. Ouais. 11 ans. Bon, Michael Jackson a enregistré, vous savez peut-être, 13 succès numéro 1 aux États-Unis pendant sa carrière solo. Il a aussi vendu plus de 400 millions d'albums partout dans le monde. Et il était aussi fan des Simpsons. Un soir, il a appelé les producteurs et leur a offert d'écrire un single, number one single, un succès qui allait être numéro 1. C'est ce qu'il voulait, en fait. C'était son objectif. On va savoir d'ici la fin de ce petit fait-là s'il s'est rendu jusqu'au numéro 1. Donc, il a fini par écrire la chanson qui se nomme Do the Bartman. Mais il était sous contrat avec une autre étiquette, donc il a pas pu avoir le crédit lors de la diffusion de l'épisode. C'était pas écrit genre chanson par Michael Jackson. Et pour protéger Michael Jackson, le producteur exécutif James L. Brooks a envoyé un communiqué de presse en septembre 90 disant que la chanson avait en fait été écrite par un des amis de Jackson, Brian Lauren, pour pas nuire à Michael Jackson et son contrat. T'sais. Wow! Donc Lauren en fait avait participé à l'écriture, mais c'était surtout Jackson qui l'avait écrite. Donc ça a été révélé finalement que Jackson avait co-écrit et co-produite cette chanson-là en 1998. Produite vu que c'est la chanson? Non, il était après. C'est ça, je me suis dit. Donc le créateur des Simpsons, Matt Groening, l'a dit en 1998 à la World Animation Celebration Convention à Pasadena en Californie. C'est là qu'il a révélé que c'était vraiment Michael Jackson qui l'avait écrite. Oui, c'est correct. Ouais. Ouais. Donc, la chanson n'est jamais sortie comme single aux États-Unis, mais elle a reçu de bonnes critiques et est allée jusqu'au sommet des palmarès dans 5 pays. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fait un numéro 1 aux États-Unis, parce que ça n'a jamais été un single. Tu sais, l'industrie de la musique marche comme ça aux États-Unis. Il faut que tu sortes un single. Le CD compte pas. Faut un single. Ben oui. En tout cas. Un gars qui a tué entre 70 et 100 personnes. Est-ce qu'on peut l'appeler un gars? Je sais même pas si c'est un être humain. Cette bête, cette créature qui a tué 70 à 100 personnes. Donc, est toujours libre aujourd'hui. Hein? Ouais, pourquoi? Parce qu'au Brésil, il y a un maximum de 30 ans que tu peux passer en prison. Pardon? Ouais. Parlons-en. Pedro Rodriguez Filho est un tueur en série brésilien qui a tué entre 71 et plus d'une centaine de personnes avant d'être trouvé coupable. Son premier meurtre a eu lieu quand il avait 14 ans. Il a tué 10 personnes avant son 18e anniversaire. Juste ça. Sa première victime était le vice-maire de Alfenas, Minas Galas, parce qu'il avait viré son père, renvoyé son père, qui était gardien de sécurité dans une école. À ce moment-là, ce gars-là était accusé d'avoir volé de la nourriture dans la cafétéria, donc le père de Pedro. Ensuite, il a tué un autre gardien de sécurité, supposément le vrai voleur de la cafétéria. OK, ouais. Okay. Sa prochaine victime était, entre autres, un dealer de drogue, des gangsters, un groupe qui avait tué la femme avec qui Pedro vivait. Donc, c'était des meurtres de revanche, de vengeance. Vengeance, je pense. Donc, Philo est né avec un crâne craqué, qu'on dit, parce que son père battait sa mère quand Pedro était toujours dans le ventre de sa mère. Donc, on dit que plus tard dans sa vie, son père a tué sa mère avec une machette, la mère de Pedro aussi. Pour prendre sa revanche, Philo a tué son père, a coupé un bout de son cœur, l'a mâché et l'a jeté. C'est très détaillé. Hein? Pedro a été arrêté pour la première fois le 24 mai 1973. Sa sentence était évidemment d'aller en prison. Donc, quand il était allé en prison, il a tué au moins 47 locataires. Prisonnier pendant son incarcération. Plus tard, il n'arrêtait pas de se vanter d'avoir eu au moins 100 victimes, mais son total confirmé est d'au moins 71 victimes. Mais voyons donc. En 2003, il a reçu une sentence de 126 ans de prison. Ça a été changé. Ensuite, c'est devenu 400 ans de prison parce que après avoir vécu ce qu'il a fait en prison, avoir tué du monde en prison, ça a augmenté ça à 400 ans. La chose la plus folle, c'est que même s'il a eu une sentence de 400 ans, il est déjà sorti de prison parce que la loi brésilienne dit qu'on peut être incarcéré que 30 ans. Donc, Philo a servi, je ne sais pas pourquoi, ça dit 34 ans derrière les barreaux avant de sortir en 2007, même si le maximum est de 30 ans. J'imagine que... Ben, peut-être qu'il y avait un 4 ans où c'était pendant le procès et peut-être, tout ça. Peut-être, c'est ça, qui ne comptait pas en tant que tel dans le 30 ans maximum. Donc, à part avoir tué plein de gens, Pedrinho est devenu célèbre, ou en tout cas infâme, au Brésil pour avoir promis de tuer d'autres criminels comme Francisco de Assis Pereira, qu'on connaît sous le nom du Park Maniac, qui est un autre tueur en série. Donc, il avait promis de l'avoir tué. Donc, ça l'a rendu célèbre. Voyons donc. Quelle histoire. On reste en prison. Un homme qui était c'est ce qu'on appelle le death row. Ça, c'est quand tu vas te faire exécuter, quand tu vas te faire tuer. Oui, le couloir de la mort. Couloir de la mort, voilà. Donc, généralement, tu peux demander un dernier repas. Ça, je pense que c'est classique. Puis, le classique, c'est de prendre du Saint-Hubert parce que c'est à volonté. Ah, voilà! Il y avait une pub de Saint-Hubert. C'était les gens. Mais oui. C'est très bon, ça. C'est comme une salade de choux, du petit pain, de la petite sauce à volonté avec le Coke. C'est comme quand t'as 3 souhaits, tu demandes quoi? 1 million de souhaits, c'est sûr. Hein? Ben oui. Ben oui. Donc, j'imagine qu'il y a des règles contre ça. Hein? Donc, quand t'es criminel, évidemment, la pire chose. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Oui. Le dernier repas. Dernier repas. Des fois, t'es tellement généreux, altruiste, que tu veux donner ton dernier repas à quelqu'un d'autre. Donc, Philip Ray Workman. N'est pas un criminel normal parce que pour son dernier repas, il a demandé à ce qu'une pizza végétarienne soit achetée et donnée à un sans-abri. Hein? Et sa demande a été refusée. Hein? Refusée! Oui, Workman est en prison pour un vol chez Wendy's, c'est un restaurant de fast-food. Il avait volé 1170$ là-bas et après ça, avait tiré sur deux officiers de police en tuant un des deux. Bon. Donc quand même, c'est pas juste pour le vol, c'est surtout pour le meurtre, je pense. Ben oui, je pense. Probablement. Pendant son procès, il a admis avoir tué l'officier de police, même s'il ne voulait pas. En fait, c'était pas ce qu'il voulait faire. C'était un accident, qu'il dit. Il a blâmé la cocaïne pour ses actions. Donc, on sait pas. Encore aujourd'hui, on sait pas si c'est vraiment sa balle à lui qui a tué le policier. C'est ça qui est bizarre, parce que depuis qu'il a reçu sa peine de mort, Workman a essayé de prouver avec un certain soutien scientifique, donc il y a quand même quelques preuves derrière ça, avec son avocat et tout, que Oliver avait peut-être, ça c'est la victime qui est morte, avait peut-être été tiré par un autre policier pendant la fusillade. Donc on n'est pas sûr que c'est vraiment la balle du... Mais là, attends, là. Le gars qui a peut-être, par erreur, tué un policier... Ouais, Philip Ray Workman, oui. Et dans le couloir de la mort, ouais. Mais qui est probablement mort. Aujourd'hui, probablement, oui. Puis l'autre qui a tué plus de 70 personnes, lui, il est libre parce qu'il a fait ses 30 ans, c'est ça? Ben, tu sais, il travaille bien accompli, tu sais. Il a purgé sa sentence, hein? Faut le pardonner, non? Je comprends pas trop comment ça marche. Ça dépend des pays, hein? C'est vraiment bizarre, certains pays. Faut bien choisir son pays, hein? Oui, choisir où tu nais, bien sûr. Ouais. Et choisir tes parents. Oui, c'est ça. Ça marche de même, c'est ça. Les terroristes ont fait une grosse gaffe. Une très grosse gaffe en oubliant de changer l'heure. Hein? Donc, ouais, quand le printemps ou l'automne arrive, tu sais, on avance, on recule l'heure. Spring forward, fall back. Donc, automne par en arrière, puis printemps par en avant, comme on dit. C'est les phrases que je me suis... Donc, quand on change l'heure, des fois, ça peut provoquer quelques petits problèmes. Des fois, t'arrives en retard au travail, etc. Mais en 1999, pire encore, des terroristes palestiniens se sont enfargés dans le changement prématuré du Daylight Saving Time. Donc, en Israël, on a changé l'heure un petit peu plus tôt que prévu. On a changé pour l'heure standard pour accommoder les prières tôt le matin. Donc, eux, ils avaient changé l'heure à cause des prières. Donc, étant donné que c'était pas concordant, si on veut, avec Israël... les Palestiniens ont refusé de faire le changement dans leur heure, dans leur propre pays. Donc, les Palestiniens, eux, avaient gardé la même heure à ce moment-là. Donc, personne ne savait qu'en Israël, ben, l'heure n'était pas la même qu'eux. D'habitude, c'est supposé être synchronisé, genre. Si je comprends bien. Donc, le 5 septembre, deux bombes dans des voitures étaient supposées exploser à 17h30 avec les terroristes à l'intérieur. Les bombes ont été préparées à l'heure Daylight Saving Time de la Palestine. Mais les conducteurs avaient déjà synchronisé leur montre, leur horloge de voiture à l'heure standard. La bombe était à l'heure Daylight Saving, genre heure avancée. Wow. Et la voiture, elle, l'horloge était à l'heure standard. Donc, la bombe a explosé prématurément. Et les terroristes ont été les seules victimes. Kamikaze, ben c'est ça. Surprise. Ça devait être ça devait être leur initiation. C'est ça. On vous a eu. Nanana. Ah, c'est triste, c'est vraiment très très triste comme histoire. Mais en même temps, c'est pas vraiment triste parce que les gens allaient se tuer de toute façon. Ouais, au moins ce sont les seules victimes. Et voilà. Ensuite, ben c'est ça, je pense que techniquement, c'était pas des kamikazes, c'était des terroristes qui allaient céder des bombes et qui allaient pas mourir à l'origine. Je pense que c'était pas des kamikazes. Mais bon, on s'en fâche des détails, hein? Ils en feront plus, en tout cas. C'est ça, ça leur apprendra. Ben, mais c'est ça. C'est ça. Un petit coup sur la main. T'es mort, quand t'es mort. T'as pas avec ça, t'es mort. Pendant presque 30 ans, celui-là, je pense qu'il va t'intéresser aussi. Quoique tout a été intéressé. Ben oui, tout m'intéresse. Voilà. Pendant presque 30 ans, les gens utilisaient des bols à salade non lavés. Ça veut dire ça? Hein? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ta grand-mère, peut-être, qui n'avait pas son bol à salade? Non. Non. Bon. Ben, des fois, suivre les modes, c'est peut-être pas la meilleure idée. Un foodie convaincu, j'imagine qu'à l'époque, on les appelait pas des hashtag foodies. J'imagine que non. Mais convaincu tout le monde que laver son bol à salade en bois n'était pas une bonne idée. OK. Donc, c'est dans les années 30, George Rector qui a inventé ce mythe-là qui disait que les bols à salade en bois allaient prendre de la maturité, comme un vin. Tu sais, un vin, ça va prendre du goût avec ouais, le temps. Ouais. Si tu le laisses, tu sais, comme le bois d'un gros baril avec l'alcool dedans, puis tout ça, le bois va aider à faire tout ça. J'imagine, en tout cas, je connais pas ça, mais... Oui, avec l'essence de bois aussi. Ça vient sûrement de cette affaire-là. Donc, bref, il disait de ne pas laver son bol de bois et que ça allait faire de meilleures salades. Mais la vérité, c'est que la vinaigrette de la salade continuait à entrer dans les pores du bois et faisait que ça pourrissait. Et ça virait. C'est ça l'affaire. Donc, Rector disait aussi qu'il fallait frotter un petit peu d'ail sur le bol pour avoir la saveur parfaite. Ah! Et cette habitude-là a duré pendant presque 30 ans. Une génération complète de salades tournées, vraiment, juste vraiment dégueulasse. et c'était apparemment fancy et gourmet de manger ça. Donc, les gens se posaient pas de questions. Miam, miam, miam, c'est donc bien bon. D'ailleurs, c'est l'article, je crois que c'était dans un magazine de Rector, qui est aussi la seule et unique raison. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on dirait que... Ça n'a pas l'air vrai, mais tu sais, il y a une source, donc ça doit être vrai. Mais que l'article, précisément, qu'a écrit M. Rector, est la seule raison pour laquelle dans les restaurants, on te sert du poivre avec un gros truc là, pour les salades. Ouais. Apparemment que c'est dans cet article-là qu'il avait suggéré ça, puis là, soudainement, c'est devenu à la mode. Quand tu commandes une salade, on te propose de te moudre du poivre directement dessus. Je sais pas si on fait ça ici. Pas juste sur une salade? Ben, ça dit pour les salades... dans les restaurants fancy, c'est selon l'article. J'imagine que le poivre pour les pâtes et autres, ça vient peut-être pas de l'article de M. Rector. OK, mais... Ça dit pour les salades. D'accord. Mais bon. En tout cas, ouais, en effet. Snapple, tu connais les jus Snapple? Snapple? Snapple, c'est un petit jus avec la bouteille que tu... Pop! C'est... Pop! C'est de... Pop. Non? J'ai aucune idée de quoi ça parle. Les Snapple aux pommes, Snapple. C'est des jeux, c'est des jus que, avec un bouchon qui fait pop. Bouteille de vitre avec une étiquette Snapple, non? Non? Pour vrai? Mais je sais pas. Pour vrai? En tout cas, mais bon, pour ceux qui connaissent Snapple. C'est supposé... Non, je sais pas. Ben, c'est quand même assez populaire, je trouve. Dans les dépanneurs, je sais pas, Snapple. Ben, probablement. SNAP et BLE. Ouais, mais probablement que j'ai vu la bouteille, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ben, c'est ça, puis peut-être que t'en as pas acheté parce que c'est pas vraiment du jus, c'est une boisson. Ouais, genre. C'est ben même des jus en bouteille, c'est très rare que j'en bois, donc probablement que ça va pas attirer le regard. Sûrement. C'est moi. Je vais le googler, puis je vais savoir si je connais ça. Parfait, mais ça ne me surprendrait pas en effet que même si tu connaissais ça, t'en voudrais pas. Donc, Snapple. En l'écrivant, je viens d'allumer, c'était quoi? OK. Parce que je suis visuel. Toi, tu me parles, je t'écoute pas dans le fond, je comprends pas ce que tu me dis. C'est pas grave, je comprends ça. Donc, Snapple voulait à l'origine bâtir un gros jus congelé, un popsicle, okay, le plus gros popsicle du monde, de 25 pieds de haut, 17,5 tonnes, avec du jus Snapple comme base. Donc, pour faire le popsicle, ce serait du jus Snapple à l'intérieur. Mais leur excitation pour ça a peut-être un petit peu descendu parce que ça s'est mis à fondre parce qu'il faisait 80 degrés Fahrenheit dehors. Donc, le mini, déluge de Snapple a fait peur aux piétons. Il y avait plein de jus partout. Donc, on était supposé faire la promotion d'une nouvelle ligne de popsicle Snapple. Ça n'a pas marché. Non, c'est ça. En faisant ce record du monde-là, on a annulé les plans pour faire des popsicles après ça à cause de tout ça. Wow! Ouais. En tout cas, c'est ce que j'en comprends sur l'article ici. C'est ça. Les organisateurs sont pas sûrs. Pourquoi? Parce que selon les gens qui avaient engagé pour faire tout ça, c'était pas supposé fondre. Mais bon, ça a fondu. Hein. Selon Lauren Radcliffe de chez Snapple, ils ont dit qu'une deuxième prise, donc refaire cette expérience-là avec une haute température, n'est pas prévue. Jamais. Mais il aurait dû faire ça dans un pays nordique. Oui. Au Canada, genre, peut-être. À coup de jouac. Coup de jouac. Ouais. Tu connais les. En voiture, les ronds-points sur la route, les ronds-points. Ouais, les carrefours giratoires. Carrefours giratoires rivières. ce qu'on appelle en anglais un roundabout et non pas un carrousel comme dans les foires. Ouais, bref, ces ronds-points-là peuvent être confus des fois. Des fois, on peut être mêlé un petit peu par ça. Mais une fois qu'on s'habitue, des fois, les gens vont changer leur avis. Et la preuve est un sondage en 1998. Un sondage dans des municipalités qui nous apprenait que l'opinion publique était à 68% opposée à la construction de ronds-points. Ça a changé à 73% en faveur quand ça a été mis sur place. Un sondage en 2007 nous apprend que le soutien du public envers les ronds-points est passé de 22 à 44% avant la construction. C'était entre 22 et 44% avant la construction. Et plusieurs années après la construction, c'était entre 57 et 87%. Les données nous apprennent que les ronds-points vont réduire les accidents, surtout les accidents sérieux. Les ronds-points sont plus sécuritaires que plusieurs autres façons de faire des... c'est parce que les carrefours giratoires, il y a plusieurs façons de les faire. Il y a des ce qu'on appelle les traffic circles, il y a des jonctions. 39% moins de collisions entre les véhicules dans un rond-point, 76% moins de blessures, 90% moins de blessures sérieuses et de morts, étant donné l'angle l'angle d'entrée et de sortie d'un rond-point. La plupart des accidents sont évitables. Oui, mais c'est mêlant. Oui, c'est très mêlant. Mais on dirait, je comprends pas pourquoi il y a une voie au centre, parce que tu fais jamais vraiment un énorme tour, donc tu restes toujours à l'extérieur puis tu ressors tout de suite. Ouais. Si tu vas dans le milieu, c'est parce que tu sais pas où sortir puis tu vas tourner pendant comme 15 minutes. Ouais. Je sais pas si c'est très mêlant, ouais, un peu trop en fait, ouais. Je sais pas. Moi, je trouve que ça sert à rien. Puis les GPS ont tellement de la misère avec ça. Dépendant de la grosseur du carrefour giratoire, mettons, Shawinigan, il y en a un là, à l'entrée, genre. Oui, ben oui. Ouais, il est tellement mêlant, puis le GPS, vu qu'il est tellement petit, le carrefour giratoire, il sait plus t'es rendu où. T'es à droite, suis-le. Dans ce temps-là, tu es obligé de suivre ton instinct. Oui. C'est pas toujours bon. J'ai pas ça, moi. Je me retrouve dans une autre région du Québec. Ça va pas bien. Ensuite, un homme du Missouri a été désigné endroit où on peut fumer. Mais l'homme lui-même est un endroit où on peut fumer. John Britton est un lobbyiste de Jefferson City dans le Missouri. Il est lobbyiste depuis plus de 50 ans. Il s'est construit une réputation là, de méchant personnage, méchant bizarre. Parmi ce qu'il a réussi important, voilà, c'est de vraiment faire baisser les taxes sur les cigarettes dans le Missouri. Donc, étant donné que M. John Britton est très, très efficace, très bien connu, a été désigné en 1996 dans une résolution du Missouri Senate comme endroit désigné pour fumer. Donc, fumer est permis à 10 pieds de distance de M. Britton, peu importe où il est dans le Missouri. Mais évidemment, oui, c'était une blague au départ. Au départ, c'est une blague. Donc, Britton a maintenant 88 ans, il fume 3 paquets par jour. C'était, comme je disais, une blague au départ, mais la loi est vraiment existe elle est écrite et on peut fumer presque n'importe où si M. Britton est là. Fait que lui, il peut fumer où il veut, finalement. Ouais, pour moi, ça. C'est drôle. Ah, mon Dieu. C'est très drôle. C'est vraiment bizarre. C'est une blague, ça peut aller loin des fois. Ouais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Disney essaie vraiment de garder son image la plus positive possible. Ils veulent pas que les gens parlent contre eux. Quand tu portes quelque chose de croche, on le cache, mettons. Disney, c'est supposé être féerique. Et voilà, quand quelqu'un meurt dans un manège, là, ils vont vraiment tout faire pour qu'il soit caché. C'est quelqu'un qui est mort dans un manège? Des gens qui sont morts dans tous les manèges du monde, je pense. Donc, lorsqu'un film d'horreur a été annoncé au Sundance Film Festival et on a annoncé qu'il allait être filmé dans deux parcs de Disney, presque tout le monde s'attendait à une réponse légale de la part de Disney. Le film s'appelle Escape from Tomorrow, a débuté en 2013. À Sundance. Lorsqu'il filmait le film, l'équipe savait que Disney n'aimerait pas l'idée qu'un film d'horreur soit filmé sur son territoire. Donc, pour s'assurer de ne pas se faire arrêter, les acteurs gardaient leur script, non pas en papier, mais sur leur téléphone cellulaire. Hein? Et l'équipe filmait tout en utilisant des caméras grand public, comme la Canon EOS 5D Mark II. Les photographes aiment bien ces petites caméras-là Canon, et une Canon EOS 1D Mark IV. Donc, c'est des caméras toutes petites, très facile à cacher, et comme ça, t'as l'air d'un visiteur qui fait juste prendre des photos ou des vidéos de tes amis. Oui, mais c'est pas illégal, ça? De prendre des photos et des vidéos en tant que tel? Non, mais je sais pas, hein? Je sais pas si c'est vraiment illégal en tant que tel. Le montage a été fait en Corée du Sud, et Sundance a refusé de discuter du film en détail avant de le montrer. Même si c'est probable que la sécurité du parc les aurait arrêtés s'ils étaient au courant qu'on faisait le film, la compagnie n'a pas utilisé d'action légale contre eux une fois que le film est sorti. À la place, ils ont décidé d'ignorer le problème, le sujet, en espérant et avec raison que... En parlant pas, ça a juste fini par s'estomper. C'est en effet ce qui s'est passé. Ils ont dit une seule chose à CNN qui était au courant du film. C'est tout. Ah. Ils n'ont pas dit genre on va les poursuivre. Non, ils n'ont juste rien fait. Mais c'est sûr que si tu commences à en parler, c'est là que ça sort. Ça, c'est exact. Ben, Colin. Ils sont forts, Disney, quand même. Est-ce que tu connais les villes secrètes du monde? Tu sais, des villes, est-ce que tu savais que ça existait une ville secrète? Des villes secrètes. Personne ne sait c'est où. Il n'y a pas ça sur les cartes. Il n'y a pas ça nulle part. Charrette. Je ne parle pas de village qui. Moi, qu'on oublie qu'il existe. Je parle de village qui n'existe pas. Donc, une ville fermée, ce qu'on appelle une « closed city », c'est un endroit qui est restreint de tous les côtés. Donc, ces villes-là ne sont pas sur les cartes. Il n'y a pas de pancarte routière et les autobus qui passent dans le coin vont contourner ces endroits-là. En Russie, il y a 44 villes fermées dont on est au courant. 15 autres existent selon des rumeurs. Personne ne sait où elles sont et où leur nom, à part le gouvernement russe. Ces villes ont été établies dans les années 40 et plus. C'était des communautés, des petites communautés pour l'armée, les trucs scientifiques, industriels, militaires, donc de l'armée. Ces villes étaient souvent situées près des frontières et près de rivières pour pouvoir amener l'eau qui était nécessaire pour les industries là-bas, la technologie nucléaire, entre autres. Une ville donc fermée, Closed City, était souvent gardée par des barbelés et par des prisons. Donc, il y avait des prisons. C'est super accueillant. Vraiment, bienvenue on chez nous. On dirait un bon début film d'horreur. Je ne sais pas s'ils vont faire la petite séduction genre dans ces villes-là. Donc, l'existence de ces villes-là était top secrète. Bien sûr, les résidents devaient garder le secret tout le temps. Même 20 ans après la fin de l'Union soviétique, la Russie a quand même quelques petites villes fermées dans ses anciennes républiques soviétiques. Voilà. Et prochaine émission à Canal Vie, une ville sans le savoir. Une ville qu'on veut pas que vous sachiez. Le film Dallas Buyers Club. Oui. C'était un petit peu avant l'été. C'était le. Ouais, c'était au printemps. Printemps. Hiver, printemps, là, dans ce coin-là. Début 2014. Mais genre. D'accord. Donc, le budget de maquillage de Dallas Buyers Club, veux-tu deviner son budget de maquillage au club des grands acheteurs de Dallas? Ben, j'en ai aucune idée, mon Dieu. 250 bidous! Hein? Juste 250$! Fait qu'ils sont pas maquillés. Ben, ils sont maquillés, mais avec de drôles d'ingrédients, tu vas voir. Donc, 250$, pas 250$ pour créer les plaies du sida que les patients avaient des années 80. Non, non, non. Pas 250$ pour drastiquement transformer M. Matthew McConaughey et Jared Leto, monsieur aussi, de gens en santé à des patients du sida, genre 5 fois par jour pendant le tournage. Puis ça... Non, 250$ pour tout. Donc, on parle vraiment d'absolument tout. L'artiste de maquillage, Robin Matthews, a dû trouver des façons assez spéciales de dépenser ces 250$-là. Elle a emprunté du gruau dans le garde-manger de sa mère pour créer la dermatite seborrhéique, donc qui est les plaies que les patients du sida avaient. Matthew et Jared donc devaient perdre 40 livres pour le film, mais à un certain moment du film, les médicaments qu'ils utilisent sont supposés faire effet, ils sont supposés prendre 25 livres de poids. Donc ces 25 livres-là ont été ajoutés par Robin en utilisant de la peinture et de la poudre qu'on appelle des, on appelle aussi pardon, de la poudre, de la peinture, ainsi que ce qu'on appelle des dental plumpers pour McConaughey pour avoir l'air d'avoir plus de peau dans ses entre ses dents puis sa peau, genre faire grossir un petit peu par là. Selon Robin, les membres de l'Académie, donc pour les Oscars, ont vraiment été surpris, avaient la bouche à terre, la gueule à terre. Mais pourquoi ils ont pas fait l'inverse? Pourquoi ils ont pas filmé comme à leur poids normal puis filmé comme à rebours pendant qu'ils perdaient leur poids? J'avoue que ça aurait sûrement ça aurait été plus pas facile. Été moins compliqué. J'imagine qu'il y avait une question de timing avec les acteurs, je sais pas trop. Ouais, pour d'autres rôles. J'imagine que je connais pas ça, tu sais. Peut-être qu'on peut s'imaginer qu'on connaît tous, pas ça. mais quand même, l'Académie a été impressionnée. Ils ont reçu le film Dallas Buyers Club, le prix pour meilleur maquillage et coiffure. Ah oui? Oui, tout ça pour $250. Wow! Comme quoi, des fois, on s'arrête à pas grand-chose. Oh, il n'y a pas une scène. Mais regarde ce que tu peux faire. Tu peux faire un chef d'œuvre. Va voler du gruau à ta mère. Pourquoi j'en ai chez nous? on va aller avec... j'ai envie d'en faire quelques derniers, là, vraiment rapidement. Là. Peut-être sauter ça... Ah oui, tu sais. Avant d'utiliser des crash test dummies, on utilisait des cadavres humains. Et en fait, on utilise encore des cadavres humains aujourd'hui comme crash test dummies pour tester la sécurité des voitures. C'est des poupées en plastique qu'on utilise, qu'on voit dans les publicités des fois. Donc, John O'Moore a démarré la Automotive Crash Injury Research Center, en 1952. C'est là qu'on a commencé à utiliser des crash test dummies. C'est là que ça a commencé à être populaire. À l'origine, les cadavres humains étaient utilisés et ça a encore lieu aujourd'hui, comme j'ai dit. Donc, l'année passée, en Espagne, entre autres, on a annoncé qu'on allait utiliser des cadavres humains à la place des crash test dummies à cause du manque d'argent, du manque de budget. Il n'y a plus ça de griot. Mais bon, c'est la réponse ben à tout. Du griot. Donc, le Laboratory of Technology and Systems for Safety in Automobiles dans le nord de l'Espagne donc est un de seulement 6 endroits dans le monde où on utilise encore des tests avec des corps humains. Les chercheurs disent que les corps humains vont leur donner une meilleure idée de ce qui se passe avec les organes internes pendant un accident. Évidemment, un morceau de plastique n'a pas de cœur et autres. Non. Les universités reçoivent des fonds pour faire certains tests sur des corps humains et pour rendre les données ensuite disponibles aux compagnies, aux fabricants de voitures, si on veut. Les données sont évidemment d'une valeur inestimable. En 1995, un article dans le Journal of Trauma nous apprend que le chercheur Albert King avait estimé qu'environ 8500 vies sont sauvées à chaque année à cause de l'utilisation, grâce à l'utilisation des corps humains lors de recherches sur les crashs de voitures. Quand même! 8500. Et un dernier, je sais pas comment arrêter. T'en as-tu pas de cadavre? J'en ai un pas de cadavre. Ah, cool. Ouais, sauf que ça pourrait causer ta mort un jour. On parle de McDonald's. Oscar Goldstein, un ancien propriétaire de franchise de McDonald's à Washington, D.C., a eu des problèmes parce que NBC a retiré des ondes son émission qui était commanditée. Donc, c'était Bozo's Circus. Tu te rappelles Bozo, le nom de clown Bozo? Ben, ça Bozo, vient de... c'est un classique. Ben, c'est ça. Donc, Bozo's Circus a été retiré des ondes en 1963 par NBC. Bozo faisait régulièrement des apparitions spéciales dans les McDonald's. Il attirait de très grandes foules. Mais étant donné que son émission était retirée des ondes, Goldstein devait trouver une nouvelle mascotte pour attirer les clients dans son restaurant McDonald's. Mais on parle d'un McDonald's local. Okay. Donc, Goldstein a rencontré la vedette de Bozo's Circus, Willard Scott. Donc, McDonald's qui commanditait Bozo's Circus. Là, c'est quand même pas mal de facteurs, tout ça. Mais Willard Scott, qui était le gars qui jouait dans Bozo's Circus, ils l'ont engagé pour créer une nouvelle mascotte pour la franchise. Donc, on parle de la franchise locale de McDonald's. Willard Scott a fait faire un costume par une compagnie de marketing. Il a créé le nom Ronald McDonald et il a commencé à faire des apparitions dans le restaurant de Goldstein à Washington, D.C., encore une fois, au niveau local. Wow! McDonald's se préparait pour un lancement national de cette campagne avec Ronald McDonald parce qu'il trouvait que c'était si bon que ça. Donc, aux États-Unis, on voulait l'amener partout. Ils ont engagé Willard Scott, encore une fois, de Bozo's Circus, ils n'ont pas engagé. La phrase est pas mal plus dark que ça. Ils l'ont renvoyé, Willard Scott, le gars de Bozo's Circus, parce qu'il disait qu'il était trop gros. Voilà. Mmh. Il disait à McDonald's... C'est pas une bonne image pour manger ça. Du fast-food. C'est exact. Ils avaient besoin d'une mascotte plus mince, plus en forme. Donc, un clown plus mince a été engagé. Un acteur qu'on connaît pas trop de nos jours. La campagne a commencé. Évidemment, les affaires allaient super bien pour McDonald's. Scott est passé à autre chose. Et Scott, d'ailleurs, qui a du succès encore aujourd'hui. Il écrit des livres. Il fait de la télévision. Et il est même devenu, à une certaine époque, c'est plus le cas maintenant, mais le météorologue pour le Today Show sur NBC. Donc, quand même. Oh. NBC qui avait... annulé Bozo Circus, donc full circle, il est revenu chez NBC à la fin. Voilà pour cet effet. C'était pas mal un bon 45 minutes. Hein? Fait que Ronald, lui, il est né de d'une franchise quelconque, puis ça a pris toute cette ampleur-là. Ouais. C'est intéressant. Exaucer vos rêves. Hein? Comme quoi, des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens qu'il faut s'arrêter. Ben, c'est ça, parce que c'est fou, tu sais, aujourd'hui Trois-Rivières, demain le monde, hein? Comme on dit, hein? Ah ouais? On va être big un jour. Nouveau logo, man. Nouveau logo, man. Voilà pour cette première heure d'assemblage requis. On retourne dans quelques minutes à peine pour Sex Fest, ça devrait répondre là. Ah! Je te promets au moins... un cadeau. Une chanson dans la deuxième heure. Ah, OK. Une chanson. C'est toi qui vas chanter? Oui. Je sais pas encore laquelle, par contre. Merde. C'est toi qui décides, OK? Ah! Oh, pour vrai? Ouais. OK, cool. OK, attends-toi. J'ai déjà choisi. Oh yeah! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. J'espère que vous avez eu le temps de vous pomponner pendant la pub. Vous êtes de retour à Sondage Requis, c'est la deuxième heure. Et elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Dans cette deuxième heure, on a la chronique de Gadget Utile. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ah, ben, moi, j'ai faim, on mange tout de suite. Non, c'est dans la troisième heure. Zut. Une chose à la fois. Une chose à la fois. La, la, la. J'ai trouvé la chanson que je voulais que tu chantes. Est-ce que tu veux y aller tout de suite? Ben, c'est sûr. Écoute. Avoir l'air fou maintenant ou plus tard, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, hein, maintenant ou jamais. Moi, j'aimerais que... Écoute, c'est un coup de cœur, là. C'est venu spontanément. C'est un karaoké? Je veux-tu chercher une chanson, quelque chose, non? Ah, pour ben avoir de quoi en arrière, non? Ben, tu peux peut-être... C'est sûr qu'il y a un karaoké de ça. Okay. C'est My Heart Will Go On. Ah, je sais pas si tu le sais. D'accord. C'est une chanteuse de la relève. OK. Ah oui, j'ai jamais entendu parler. OK. My Heart Will Go On. OK. Bon. Attention. Oh, boy! C'est moi qui joue de la chute de pain. Ça me rappelle une pub pour Assemblage Requis il y a certains étés. C'était « Je peux-tu le voir, tout nu? » Ça fait pas de... Ça, c'est l'attente. Hein? On voit la petite barre. Il dit « Ça sent bien. » Oh, il chante pas de suite, là. Non, on n'a pas le droit de passer ça. On n'a pas le copyright pour ça. « Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Goon. Ah non, c'est go on. Goon. Far across the distance. On devrait faire une émission and complète de ça. Spaces between US. États-Unis. You have come to show you Goon. C'est bon. Oh. C'est fini? Mais non, mon père. Au moins la fin. Ah, attends, c'est. Hey, t'as même une chorale avec qui chanter. Ouais, m'as-tu t'as sacré sur la terre, cette chorale-là, moi, t'as un peu? Eh oui, blablabla, bla, bla, petite musique instrumentale, c'est... Quoi, c'est du pipeau, ça? And I know that my heart will go. Ouais, j'aime ça, je trouve que c'est pas pire succès. Ouais. Ouais? Parce que c'est du potentiel. Ah, c'est facilement dans le top moins 50. Ça gagnera peut-être pas un Oscar, mais quand même. Non, mais tu sais, je vais prendre un. J'essaie de trouver un autre ballet, attends un peu. Un autre ballet? Voilà, le ballet Oscar, de jazz? Qui est Oscar, t'as pas dit ça? Oscar? Oscar, la sorte de ballet. C'est une marque de ballet. Je connais juste Oscar Léomard. Villeda. Villeda, c'est ça, je voulais. En plus, je l'avais dans la tête. Villeda. On n'aura pas un Oscar, mais je vais prendre volontairement un Villeda. On fait-tu une émission complète, juste de karaoké comme ça? On a-tu une case horaire de 5 minutes dans Grégoire? Parce que c'est pas mal tout ce que j'ai. Je vais te faire entendre une meilleure chanson. Voici Language Arts et Wonderkind au 89.5. Ah, ça c'est sûr. So bright, darken inside the eyelids. You handed over your treasures like they hadn't even become yours yet. Whispering out wide awake, and how has it come to this? A moment of interaction sanctified by your wish. But the ring is calling me. The greatest distraction. I give away all of it through emotional reaction. I am made of time, enigma time, I concentrated. Making sounds of what's in my mind, nothing can really explain it. It's the wonder kind, it's the wonder kind. It's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind. Enabling me, you enabler. With a slight scent of wine on you, I give my greatest thanks and wonder what am I to do. You beat me to a conclusion, or at least it seems so. Entrusting my energies into someone I barely know. But the ringing is calling me out. The greatest distraction. I give away all of it through emotional reaction. I am made of time, and in that time I concentrated. Making sounds of what's in my mind, nothing can really explain it. It's the wonder kind, it's the wonder kind. It's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind. C'était Language Arts et Wonderkind, nouvelle entrée en 19e place anglophone, bien sûr. Vous l'entendrez pour la première fois la semaine prochaine au Palmarès, c'est fou, mettons, mais pas vraiment. Parce que c'était comme une avant-première. Ouais, non, ça compte c'est pas comme aujourd'hui. Moyen, mais non. Moyen, puis la première, la prochaine. Un. Surtout qu'au début, tu chantais My Heart Will Goon dessus. Là. My Heart Will Goon, le nouveau succès de Céline Dion. Dion, je pense. Dion. Ça nous amène à parler de. Est-ce que tu as envie de parler de choses à acheter? Je sais pas si t'aimes ça, dépenser de l'argent. Qu'est-ce que t'en penses? Sex, mais ça devrait répondre. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique des gadgets inutiles achetés sur Internet. J'en veux 8! De chaque? Ben oui. Et de chacune des chroniques précédentes et suivantes? Commençons avec un tapis. Hein? Évidemment, on a besoin. Un tapis, c'est utile dans une maison, ça, non? C'est plein d'allergènes. Ben c'est vrai, ça. Il est bien mieux d'être hot, ton tapis. C'est sale. Ben il est hot, celui-là, parce que c'est un tapis semi-solide. Le coin. Il est croquant. Ouais. Si on veut, c'est que ben, si on essaie de le décrire un petit peu visuellement, c'est vraiment un tapis shaggy, okay? Mais un des coins est replié sur lui-même, un peu comme un coin de page, de feuille ou n'importe quoi. Et cette portion-là est solide et c'est une table. C'est une petite table! C'est une table tapis ou une tablie ou une table. C'est un établi. Un table. Une table poilue en dessous. Oui. Genre, je sais pas si c'est poilu en dessous, c'est poilu au-dessus, en dessous. Ouais, parce que c'est courbé. C'est plié. C'est ça. Et le dessous est quand même antidérapant, là, on va se le dire. Moi, c'est clair que je perds mon chat en dessous de la table. Je pense que t'as bien raison. Donc, ça s'appelle le Stumble Upon. C'est un meuble design qui... donc, c'est un meuble qui est aussi un tapis. C'est un design de Alessandro Isola. Et le nom Stumble Upon veut évidemment dire que tu vas t'enfarger dedans, t'enfarger dans la table à un moment donné parce que tu penses que c'est juste la continuation du tapis, genre. Continuité. Continuité, c'est ça que je voulais dire. Donc, Alessandro Isola utilise les plis et les courbes pour créer une table qui dit à café, pratique et flexible. Je vois pas vraiment le côté pratique, mais le côté flexible, ça va. Ben, je sais pas si t'as envie de t'asseoir sur du poêle pour... Mais comment tu passes l'aspirateur en dessous de ça? Mais oh, mais tu peux pas la replier? Ben, c'est ça, c'est flexible, j'imagine que tu peux la déplier, replier. Ben, sûrement. C'est ce que ça dit, mais il y a pas de vidéo, donc. Je ne peux qu'imaginer. Mais je pense que oui, s'il dit flexible, c'est que ça se déplie. Ensuite de ça, quand tu déjeunes le matin, quand tu prends ton café, Steph, t'as besoin de divertissement. Ben oui. Tu vas regarder la TV, tu vas écouter Assemblage Requis le matin, j'imagine. Ben oui. Surtout quand c'est en ondes entre le 2 septembre 2014 et une date ultérieure à déterminer plus tard. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toujours. Toujours du mois de septembre au mois d'avril. Mais t'aimes aussi faire des mots croisés et t'aimerais pouvoir le faire sans avoir besoin de papier. Ben c'est sûr, surtout c'est pas bon pour l'environnement. Exactement. Donc écris donc sur ta tasse, voir. Ah? Hein? C'est Crossword Puzzle Mug. Hein? C'est une tasse avec des espaces vides, c'est une grille vide imprimée directement dessus. Ah, hein? Oh, et on peut-tu vraiment écrire dessus? Tu peux vraiment écrire dessus. Ah. C'est pas fantastique, c'est avec un crayon qui est inclus. Donc c'est un crayon, je crois pas que ce soit un crayon spécial. D'après moi, c'est un crayon plomb, de la façon ben que oui, la photo le montre. Ben oui, spécial, dessus, c'est écrit crossword.com. Ouais. Ben j'imagine que tu dois pouvoir te servir de n'importe quel crayon plomb. On peut écrire dessus, évidemment, t'écris des solutions à de vrais puzzles. Parce que le puzzle est fourni sur la boîte de la tasse à café. Ah! Les définitions du mot. Donc, t'as pas de papier, mais au moins, t'as une boîte réutilisable. Et quand t'as terminé avec le premier mot croisé qui est sur la boîte, ne t'en fais pas avec ça. Parce que le site web de Crossword Mug fournit un nouveau mot croisé par mois. Juste un par mois, ouais. Pour la même grille? Pour la même grille. C'est un nouveau... des nouveaux mots. Wow! Fabuleux, n'est-ce pas? C'est donc bien génial. Moi, j'allais dire, écoute, c'est le fun, t'as le restant de ta vie pour faire le même mot croisé, mais non, il change. Exact. C'est très cool. Ça coûte 12,95 $ sur Amazon. Ce qui est pas cher pour une tasse. Ben non. Maintenant, grilled cheese. Allô, oui, tout de suite dans ma bouche. C'est ça qu'il faut que je réponde? C'est à peu près la réponse à ma question. Donc, juste dire le mot grilled cheese te fait répondre ça, ça s'annonce bien. Donc, moi, j'aime mes grilled cheese vraiment croustillants. Ben oui. Pas mou, là. Tu sais, quand ça fait quelques minutes, là, il rend tout mou, tout... non. Mince, crunchy à l'extérieur, ouais. Tendre à l'intérieur, ouais. Et coupé en un triangle. Un seul triangle? J'aime bien dans les deux sens pour faire 4 mini-triangles. Non, moi, j'aime bien avoir deux gros triangles robustes. J'aime mon petit carré aussi, tu sais, juste en croix, ben, plus une ligne transversale à l'autre. Bref, n'importe quelle sorte, là, roule-les s'il faut, puis sac-moi là dans la gueule. Donc, une chaîne de restaurants en Californie nous propose le Melt. Hein? Donc, en fait, non, ça c'est leur... excuse-moi, la chaîne de restaurants s'appelle The Melt. Eux, ils sont spécialisés en grilled cheese. C'est un restaurant de grilled cheese. Et The Melt a décidé d'inventer son propre système de livraison pour garder ses sandwichs chauds et croustillants. Ça s'appelle, le produit, là, ça va être vrai, la Smart Box. inventé par le fondateur de The Melt et l'ancien fondateur de la compagnie caméra Flip, Jonathan Kaplan. Donc, il a créé cette boîte-là pour ses sandwichs avec des trous pour faire passer l'air et une deuxième boîte extérieure, ben, en fait, l'extérieur de la boîte, genre, qui a un système d'éléments chauffants contrôlés par microprocesseurs. Et il y a même de la ventilation. Donc, cette technologie assure d'avoir l'humidité dans l'air qui est au bon niveau et un bon niveau de chaleur pour livrer un sandwich parfait en dedans de 30 minutes après qu'il soit sorti du grill. Donc, on le fait sur le grill et après ça, pendant 30 minutes, il est encore chaud et croustillant à l'arrivée à la maison. Je trouve ça un peu sophistiqué pour des grilled cheese. Mais c'est parce que des grilled cheese, ça doit être la nourriture, une des nourritures les plus faciles à faire, je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est aussi la plus difficile à garder longtemps parce que c'est vraiment pas long avant que ça devienne mauvais un grilled cheese. Pas mauvais, mais c'est pas aussi bon. Faut vraiment que t'aies une rage de grilled cheese anyway pour t'en faire livrer. En plus, mais imagine, vu que le restaurant est spécialisé, The Melt... Il doit avoir plusieurs sortes. Ben, c'est ça, ils ont des sortes assez fabuleuses, même que j'ai envie d'aller faire un tour. C'est sûr qu'il y en a un avec du bacon. C'est sûr. Il y en a sûrement même plusieurs avec du bacon. Le special, c'est le, non, change pas d'image. Comment? Il change d'image tout seul. Oh non! Eh hey boy! OK, celui-là, c'est du cheddar vieilli. Des arrête de changer, Caroline! Je pensais vraiment qu'elle allait arrêter de changer. Mais je pense que je l'aurais pas, finalement. Mais il y avait du... cheddar vieilli, des jalapeños. Jalapeños, bacon, tomate, chip au barbecue. Et oui, c'est ça, des chips au barbecue. Il y en a un au macaroni au fromage. Oh. 100% naturel. Il y en a un qui est fourni avec des trempettes. Trempettes, mettons, à la sauce piquante. C'est parfait. Et 100% recyclable et 100% compostable pour les contenants. Pas le grilled cheese, bien sûr. Parce que de toute façon, il va être mangé au complet puis il va se composter tout seul. Il crippe dans mon ventre. Et il y en a des tonnes, là, sérieusement. Le tableau des modèles qu'ils ont là, est juste pas croyable, pas crédible. Des modèles. Non, mais c'est vrai. Et des races des grilled cheese. T'as les originaux, les favoris, les soupes, les salades, les desserts et les boissons. En tout cas, themelt.com est leur, leur site. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas acheter cette boîte-là, mais juste pour vous dire que ça existe. Bon. Ouais, pour dessert, tu peux faire un grilled cheese Philadelphia et quelque chose d'autre. Bar le pin, probablement. Bar le pin? Bar le pin. Avec du Philadelphia? Hey, oui, probablement. Mais je ne l'ai pas mis dans les dans Ça existe parce que c'était plus ou moins pertinent. Mais Jones, la compagnie de boissons gazeuses, ouais? Ils vont en sortir un au bar le pinot de confiture. Ah! Ouais, c'est ça. Ça, je me suis dit. Tu bois ça avec une tranche de pain? Trempette, j'avoue que ce serait pas pire. Ah. Scamper Ramp, c'est notre prochain gadget. En fait, c'est pour les animaux de compagnie qui aiment se baigner. Des fois, quand ton chien veut venir dans la piscine, il y a de la difficulté. Ton chat. Ou ton chat, ouais, moyen. Il y a de la misère à sortir de la piscine après. Oui, parce qu'il est pesant, il est plein d'eau. C'est ça, t'es obligé de le sortir, de le tordre, puis après ça, de le remettre sur le gazon. Donc, Scamper Ramp, c'est une rampe, vraiment, qui est faite fait pour les chiens et autres animaux de compagnie pour qu'ils puissent sortir de l'eau facilement. Donc, ou même pour avoir accès à un bateau. Donc, tu pourrais l'accrocher sur le bord de bateau pour le faire remonter. Donc, c'est léger, c'est perforé, ça s'attache au côté de la piscine ou à n'importe quelle structure, comme un mur. Ça va flotter sur l'eau jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et on peut le virer à l'envers pour l'enlever de l'eau et le ranger. Donc, c'est une solution pour les animaux de compagnie. Génial! Ouais! Est-ce que tu es stressé dans la vie? Oui. Bon, ben, déstresse-toi avec ton propre feu d'artifice. Mon propre feu d'artifice. Oui. Donc, le stress, ben, ça rend fou un peu. Hein? Donc, quand tu commences à te sentir un petit peu comme en train de te noyer, hein, pour ramener l'analogie de la piscine. Hein? Ah, ouais! Donc, il te faut Desktop Fireworks. C'est un bouton que tu appuies et ton bureau prend vie. Là, évidemment, c'est un concept. Encore une fois, on ne peut pas l'acheter. Mais le Desktop Fireworks vient de Tomomi Sayoda. C'est des lumières, des trucs pour faire du bruit et des confettis. Tout ça à l'intérieur. Pardon, et d'autres affaires qu'on trouverait au bureau. Et tout ça dans un contenant. Pas dans un contenant. Est-ce que c'est dans un contenant? Je pense pas que c'est dans un contenant. Mais il y a un bouton et tu appuies dessus et tout ça sort du bureau. Et ça crée une... Ouais, comment? Faut que tu fasses le ménage après. Il y a plein de petits confettis. Les confettis, en tout cas, de plus dur à ramasser que ça. En plus... Non, assurez-vous de faire ça dans un endroit où il y a quelqu'un d'autre qui fait le ménage à votre place. Et voilà. On le voit appuyer sur le bouton dans la petite vidéo. Et les lumières partent. On va passer la balayeuse aussi à la fin. Pour vrai, hein? Il y a ça? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Il y a plein d'affaires sur son bureau qui sont contrôlées. Il y a des bulles qui sortent de partout. Un concept probablement très, très difficile à vendre dans le sens que tu pourrais pas vendre tout inclus avec tout ça dedans parce que c'est vraiment chaque affaire dans le bureau qui sert à quelque chose. Bon, c'est cool pareil. Il y a un petit mot à la fin. Je sais pas si tu l'as vu. Un petit mot à la fin de la vidéo qui dit que cette vidéo est dédiée à son père. Voyons, pourquoi ça part? qui dit à son père qu'il s'est suicidé au bureau. Ben, pas au bureau, mais à cause du stress au bureau. Ouais. Je trouve ça triste. Alors, j'ai 37 ans en plus. Ouais, là, c'est une belle intention, les petits feux d'artifice, finalement. Tout à fait. La raison est bonne. Tant mieux. Et dommage et condoléances et autres. Ensuite, on revient au plaisir un petit peu avec une façon de quitter la maison avec un petit peu plus de bonheur dans la vie. À la place de descendre les escaliers, tu sais, c'est plate quand tu t'en vas au travail, tu dois descendre les escaliers parce que t'es au troisième étage ou peu importe. Avec un petit peu d'adrénaline ici, on peut descendre les escaliers, mais avec une glissade sur le côté. Donc, on peut acheter ça, nous dit-on. Donc, c'est l'architecte donc, de Londres, Alex Michaelis, a installé cette glissade-là dans ses escaliers de sa nouvelle maison. En fait, c'est ça, on ne peut pas les acheter, on peut les construire. Voilà, les construire, ça donne ça. Regarde-moi bien me casser la gueule là-dedans. Et bon. On va à la salle de bain maintenant. OK. On manque de papier toilette des fois. Ça peut arriver? Oui. Et il n'y a rien de pire que de s'en rendre compte une fois que tu es déjà en train de faire tes affaires. C'est ça. Devoir utiliser, je sais pas, mouchoirs et autres, serviettes de table. Serviettes sanitaires qui traînent dans la sacoche. Peut-être se mettre des couches. Donc, le Roll Scout veut sauver la journée en envoyant une alerte à tout le monde dans la maison lorsqu'il manque de papier de toilette, lorsqu'on arrive à un niveau dangereusement bas. Donc, c'est agréable, tout le monde est au courant. C'est ça. Donc, si tu as manqué l'alerte sur ton téléphone cellulaire, la lumière clignotante LED de Roll Scout va te faire t'en rappeler quand tu vas t'asseoir. Parce que la lumière clignote, tu t'assois, tu le vois. T'sais. Ouais, mais il y a quelque chose de plus simple, de plus facile, de plus économique. C'est-tu les petits supports à côté de la toilette, là, avec deux rouleaux dedans? Oui. Ben, t'es sûr de jamais en manquer. Ouais, mais des fois, tu te fies là-dessus, puis t'oublies quand il en restait plus dedans. T'sais. Non, mais ça, c'est quand il en reste plus, t'en rajoutes tout de suite. Et que t'es trop responsable, là. C'est pas ça, ça marche pas de même la vie. Non, mais j'aime pas ça, moi, prendre les rideaux. Donc, le Roll Scout peut fonctionner sur une seule pile A23 pendant une année au complet. Ben oui, mais admettons là, qu'au bout d'un an, la batterie tombe à terre, mais toi, t'es trop large pour la changer. Ça va être juste une fois dans l'année. C'est quand même désagréable. Au lieu d'à tous les mois, mettons. Donc, on dit que c'est idéal pour les entreprises, les compagnies. Comme ça, ça envoie une alerte et t'as pas à tout le temps aller voir s'il y a du papier de toilette. Bon. Donc, le Roll Scout demande de l'argent sur Kickstarter. On demande $49 pour votre propre Roll Scout. Ensuite, sur Internet, il y a un meme qui est partagé depuis des années. Là, tout le monde l'a déjà vu. C'est celui qui dit « Deal with it » et t'as des lunettes pixelisées qui descendent sur la face de quelqu'un. On l'a déjà vu sur plein de personnages. Les lunettes pixelisées de soleil descendent sur la face. T'as dit « Deal with it » dessus. C'est un gif animé. Non, bref. Ça existe. On peut maintenant acheter des lunettes pixelisées exactement de la même façon que dans la photo Deal With It. C'est des Deal With It sunglasses de CNC Design. C'est fait avec un laser super bien découpé en acrylique fumé pour le bas prix de $31.07. Hein? Et ça va faire de vous un gif animé vivant. Ben voilà. Et voilà. Et on voit bien sûr au travers. Là. C'est pas noir complètement. Ah. Voilà. Dans le même domaine, celle-là, vous l'avez vu, c'est sûr que ça roule depuis tellement longtemps, mais je suis tombé dessus en même temps, donc pourquoi pas le poster et en parler en même temps. C'est les lunettes de soleil Black Bar Censorship, donc c'est vraiment pour avoir l'air d'avoir les yeux avec une barre noire comme lorsqu'on se censure à la télé. Et c'est des lunettes de soleil, donc avec les vraies branches, le milieu pour le nez, et on voit au travers, et on a l'air de passer à la TV, d'avoir fait quelque chose de pas correct, puis de vouloir se masquer notre identité. Selon The Verge, la meilleure invention de tous les temps dans le domaine des ballons d'eau. Hein? Donc, si vous avez déjà participé à une guerre de ballons d'eau, hein? Ça t'est déjà arrivé, ça? Des guerres de melons d'eau? De ballons d'eau. Ah, non. De ballons remplis d'eau. C'est difficile de se recharger, de recharger ses armes. Hein? Tu penses avoir attaché ton ballon correctement à ta hose pour le remplir d'eau, et finalement ça se détache ou ça explose ou tu l'enlèves pas à temps, tu sais, ou t'as de la misère à faire un nœud, etc. Puis là, ben, tu peux pas lancer d'autres ballons d'eau aux gens. Il y a un nouvel appareil qui peut rapidement remplir 37 ballons d'eau en même temps et 100 en moins d'une minute. Wow! C'est le Bunch of Balloons qui ramasse de l'argent sur Kickstarter. Il cherche $10,000 en ce moment. Ça fonctionne en connectant tous les ballons à un seul genre d'orifice. Tu sais, les ballons ont chacun leur orifice dans lequel tu dois souffler. Ben oui. Tu branches chacun de ces orifices-là à un seul gros orifice. Oh, mais ça, c'est long à faire! C'est long, mais tu te sauves vraiment du temps. Puis, si tu peux faire 100 ballons en moins d'une minute. Je sais pas. Mais tu sais, ça, c'est une minute de les remplir. Pour les remplir. Ça prend combien de temps mettre 37 ballons sur ça? Mais une fois qu'ils sont prêts, tu sais, t'en as une bonne grosse réserve. Donc, quand tu as terminé de les remplir, évidemment, c'est ça, tout ça se branche à une hose traditionnelle de cour arrière. Et quand tu as terminé de les remplir, ben tout ça est fait pour s'enlever facilement en shakant la hose. Donc, en shakant la hose, ça enlève les ballons de la hose. Ah. T'as pas à les enlever à la main. Le créateur de l'appareil s'appelle Josh Malone. Il y a une petite vidéo de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. C'est un genre de 15 secondes. Mais on voit la fille. Mais ça a l'air de vraiment bien marcher. Mais hein. Une fois qu'ils sont pleins, ils tombent tout seuls comme un bon fruit mûr. Juste à shaker la hose, tout tombe. C'est parfait. Wow. Ça. On aime ça shaker l'affaire puis que ça tombe. Ah ouais? Ouais. Donc, bunch of balloons. Ensuite, on a parlé la semaine passée de brassière avec un mamelon dessus pour avoir l'impression d'être nu à la plage. Ouais, ouais, c'était laid. C'était douteux même, ça veut dire. Donc ici, c'est les sous-vêtements anatomiquement corrects. Et là, c'est non seulement une brassière, mais aussi un sous-vêtement d'arbol. Juste un sous-vêtement. OK, mais là, c'est intense tout nu, là. Intense et non seulement juste tout nu, mais anatomiquement correct. Donc, on voit chacun des articles présents dans, dans le corps humain. Ouais. Voilà, de la femme. Donc, ça s'appelle « Why are you so afraid of your own anatomy? » Pourquoi avez-vous peur de votre propre anatomie? Donc, c'est par Eleanor Beth Aswell. C'est un projet féministe. Donc, c'est on appelle ça « Feminist Fashion Intervention ». Ça suit sa série précédente de trucs anti-viol, anti-body shaming, par rapport au poids et tout ce qu'il va faire. Donc, elle a 18 ans. Elle a déjà étudié les beaux-arts et le design graphique. Elle fait surtout de la photographie, mais là, elle s'est dit qu'elle allait faire des sous-vêtements. Encore une fois, donc, c'est pas à acheter ça non plus. C'est « Why are you so afraid of your own anatomy? » Quand tu portes un chandail, des fois, t'as pas envie de faire de pub. Ben non. C'est où t'as un logo, un ancien logo vintage de Sifu sur ton chandail. Tu veux pas être vu avec des affaires arriérées. C'est ça, tu veux pas avoir l'air pour passer date, wannabe. Hey, c'est quoi, on n'est pas en 2013 et début 2014 jusqu'à peu près à début août, là. Ben non. Donc, il faut que tu envoies ton chandail chez Logo Removal Service, qui prend des chandails, des chandos, comme on dit, qui leur sont envoyés avec des logos de commanditaires, etc. C'est par exemple pour des équipes de sport, et vont patcher par-dessus avec du nouveau tissu. Ils font aussi des trucs personnalisés, donc ils vont couvrir n'importe quelle tâche, logo ou graphique que tu voudrais déguiser ou cacher sur ton chandail. Et ils s'arrangent pour que ça prenne la forme de l'ancienne chose qu'il y avait là. Ah. Donc ici, on voit sur ce chandail orange à manches longues, un logo en forme d'éclair, patché avec du tissu aussi en forme d'éclair, mais un petit peu plus large. Donc ça montre qu'il y avait quelque chose là avant. C'est cool. Mais c'est cool, ça fait quand même quelque chose d'esthétique là. Ça fait quasiment super-héros, mais de bas de gamme. Ouais! Très, très bonne gamme. une entreprise américaine lance les patins à roulettes motorisées. C'est Acton. Oh boy. Rien à voir avec la poutine, non, ça c'est Ashton. Une entreprise américaine qui veut lancer les patins à roulettes du futur, les Rocket Skates. L'opération a été lancée sur Kickstarter. C'est qu'ils vont être motorisés. Deux grosses roues par pied et une petite à l'arrière pour une vitesse d'environ 20 km/h maximum. Pour contrôler ces rollers, pas besoin de télécommande ou de guidon, les jambes suffisent. Cette invention fonctionne grâce à une pile lithium-ion. Vous pouvez tout de même contrôler votre engin grâce à votre téléphone cellulaire afin de modifier ses performances pour gérer la pile ou encore pour être connecté à d'autres utilisateurs des Rocket Skates. Trois gammes de modèles. Donc, il y a un modèle qui va faire rouler à 10 km 45 minutes. Non, pardon. Rouler 10 km ou 45 minutes. Là, on parle de distance et non pas de vitesse. Ouais, ouais. Quand même. T'as aussi un modèle 12 km 70 minutes et un autre de 16 km 90 minutes. Pour l'instant, quelques prototypes ont été produits pour être envoyés à des gens qui ont donné sur Kickstarter les plus gros montants. L'appel rassemble 115 000 $ pour l'instant et finira demain, 22 août. Oh. Donc, dépêchez-vous si vous en voulez. Ça a l'air cool. Ouais, mais je sais pas, j'aurais l'impression de pas avoir tel contrôle. Déjà qu'avec des patins ordinaires, tu sais, je sais pas si tu te souviens, l'an dernier, j'avais fait un fail la semaine et je m'étais planté en roller, je m'étais ouvert le genou. Ouais. Ben, j'ai décidé d'en refaire, ça a pris un an et quelques mois, j'en ai refait hier. Eh bien, figure-toi donc que j'ai eu un 9.5 grâce à mes arabesques et mes triples piqués. Sauf que j'ai vraiment pris une débarque. Mais j'en ai pris une vraiment... Je me sentais... comme dans un film. C'est qui donc l'acteur là, dont on parlait qui jouait dans La Panthère Rose? Steve Martin? Ouais. Bon, ben je me sentais comme lui dans un film. C'était totalement absurde et burlesque. De l'humour physique. Ouais, vraiment. Puis ça a donné qu'il y avait un monsieur assis sur un banc qui était là. J'ai fait ça directement devant lui. Êtes-vous correct, madame? Moi, le corps, ça va, c'est plus l'ego. Il n'y a pas à applaudir, hein? Non. Hein? Mais J'avais le goût de pleurer. Je t'ai fait une petite pause en sortant, genre comme ah, tu sais. Non? Non. Bon. Juste de me relever, c'était tout un défi. Bon. Donc, t'es pas capable de faire du skate, du roller skating, du patinage. Ouais. Est-ce que t'es capable de marcher? Écoute, des fois, je me pose la question. Si l'équilibre n'est pas tellement là. Ben, au moins, c'est la seule chose que tu vas avoir à faire avec le prochain gadget. C'est une chaussure connectée qui vibre pour t'indiquer la direction. C'est l'école. Et si vos pieds savaient directement dans quelle direction aller? La Lickle est une chaussure connectée inventée en Inde, capable de communiquer avec un téléphone et de vibrer pour communiquer des informations à l'utilisateur. La start-up indienne Ducere, j'ai aucune idée comment prononcer tout ça, nous propose cette chaussure qui pourrait également transmettre des informations à son porteur grâce à de simples vibrations. De ses efforts résulte un premier produit tout juste annoncé, donc Lickle, L-E-C-H-A-L. Ça communique en Bluetooth avec un smartphone. Le dispositif va être vendu. Ça va être soit la chaussure avec les semelles ou encore juste les semelles à mettre dans tes souliers préférés. Ah. Connectée à Google Maps, elle peut par exemple indiquer quand tourner ou signaler l'approche d'un point d'intérêt particulier. Elle est également capable de mesurer l'activité physique ou d'émettre un signal lorsque l'utilisateur s'éloigne de son téléphone. Je ne sais pas si tu peux déterminer à l'avance un trajet puis qu'il t'aide à le suivre en te disant quand tourner. D'après moi, oui. C'est ça, ça dit connecté à Google Maps, on peut par exemple indiquer quand tourner. Donc j'imagine que tu le dis à l'avance. C'est cool, ça. C'est très, très le fun. Ça shake à droite, shake à gauche. Les fondateurs du Ducere envisagent dans un premier temps la Lickle comme un produit d'assistance dédié aux déficients visuels, mais positionnent maintenant aussi l'article pour tout le monde. Ducere a ouvert un formulaire de précommande pour les internautes intéressés. Le prix de vente est de entre 100 et 150 $. Tout à fait raisonnable. Oui! Ah! Oh. Oui. Hey, Ducere, on dirait du caramel. Dolce de leche. on parle de haut-parleur maintenant. Un haut-parleur pour les gens romantiques. Tu sais, quand tu fais un petit souper romantique, là, une petite chandelle, c'est toujours le fun. Un petit peu de Barry White, genre là, du Very Long, quelque chose comme ça. Ou My Heart Will Go. Il vous faut le haut-parleur Peltie Bluetooth. C'est un haut-parleur qui fonctionne sur batterie, sur pile ou branché dans le mur. Ça fonctionne avec excusez-moi, ça ne fonctionne pas par batterie ni par courant. Ça fonctionne par énergie thermique fournie par la chandelle qui brûle à l'intérieur. Voilà. Tout ça est possible grâce à un générateur thermoélectrique qui utilise la différence de chaleur fournie par les deux métaux différents pour générer un courant électrique. C'est de la science, je connais pas ça. Donc tout ça est fabriqué à partir de céramique, donc pas besoin de penser à peut-être prendre à ce que tout ça prenne en feu pendant votre chanson préférée, tellement qu'elle est hot. Peltie est présentement en train de ramasser de l'argent sur Indiegogo, on demande $230 américains. C'est joli en plus. Ouais, c'est ça, c'est super esthétique. C'est cool. C'est beau. C'est romantique. Google, tu connais? Vaguement. Google. G-O-O-G-L-E.com. On peut faire de l'autocomplétion dessus. Tu sais, quand tu vas taper un mot, ils vont te sortir ce que les gens ont tapé qui se rattache à ça. Ça va compléter ta phrase. Bon. Oui. Autocomplete. Il y a un nouveau jeu de société qui est inventé par rapport à l'autocomplete. C'est pas génial, ça. Donc, c'est Phoebe Stevens et sa sœur Nikki Flower Day. Sa sœur qui n'a pas le même nom de famille, apparemment. Donc, ils ont fait un jeu de société pour tout le monde. C'est sur Kickstarter depuis le mois de mars. Ça s'appelle Query, Q-U-E-R-Y, comme une demande, une question. On doit deviner des phrases de Google Autocomplete et inventer des phrases pour que les autres pensent que c'est vrai. C'est comme un genre de d'attrape. Donc, le jeu de société contient 600 phrases ou queries qui sont basées sur de vraies recherches Google. Fini et Nikki disent que les phrases ont été choisies par rapport à leur popularité en Amérique du Nord. Ça se joue comme suit. Dans chaque round, les joueurs se font donner un début de phrase. Par exemple, c'est dangereux de. Les joueurs vont ensuite, en secret, écrire la fin de la phrase qu'ils pensent vraiment être le résultat d'une recherche Google. Les joueurs vont répondre. Les réponses des joueurs vont être lues à voix haute. Avec en même temps une des vraies recherches Google. Et ensuite, les joueurs vont essayer de deviner laquelle dans les réponses est vraiment une réponse Google. C'est cool! Les joueurs vont avoir un point pour identifier la recherche Google réelle et aussi un point pour chaque joueur qui choisit, dont la phrase a été choisie qui n'est pas une vraie phrase. Ça a l'air vraiment fun! Et on peut l'acheter maintenant! C'est ça la surprise sur Amazon pour $22 américains. Ah, mais là, je le veux. Ah, mais est-ce que c'est en anglais? Ah oui, c'est en anglais. OK, donc tu dois penser en anglais. C'est on the Google, American side of the Google. Mais c'est le fun, en plus, quand tu écris quelque chose sur Google, puis il complète. Tu sais, tu poses vraiment une question, il complète, puis c'est comme... C'est ça, je voulais demander. Bon, je suis pas la première, là. Ouais. Pas, Hein? Gordon Ramsay naked, pas la première, là. Pas la première. C'est pas une question, ça. C'est pas une question. Non, si tu marques comment... comment ça marche? Comment le mettre nu? Comment faire un CV? Tu m'énerves. Comment faire un nœud de cravate? OK. Comment couper une mangue? OK. Comment c'est fait? Hey, tu veux savoir comment... C'est dangereux de... Ouais, s'il te plaît, c'est dangereux de... C'est dangereux de... Attends, faut que je devine. C'est dangereux de... traverser la rue sans regarder de bord. Non. Non. C'est dangereux de manger du poulet cru. Non. Non. C'est dangereux de mourir. OK. Oui. Je veux, non, mais tu veux-tu les savoir? Oui, oui. OK, le premier, c'est dangereux de faire l'amour tous les jours. Selon qui? Je Google. Okay. C'est dangereux de fumer la chicha. Oh! C'est dangereux de prendre le métro quand on est une jolie. Ça arrête là. C'est dangereux de se faire vomir. Et c'est dangereux de s'attacher. Oh! Et intéressant, hein? Pas mal de fun, ça. Une version québécoise de ce jeu-là, un jour. J'imagine, c'est ça, ils disent, ils ont bien fait d'appeler ça Query et de ne pas avoir le look de Google nulle part là-dedans, comme ça, ils ne se feront pas poursuivre. Ben non, c'est ça. Parce que sinon, ça aurait été vraiment dangereux. It's dangerous to go over Google's head. Donc, sur Amazon, pour 28 $ américains, on pourrait aussi jouer comme on vient de le faire avec juste google.com. Mais c'est pas mal plus fun, le jeu. Maintenant, des souliers en chaîne, en chaîne, un peu comme je sais même pas comment l'expliquer. Est-ce que t'as une meilleure beau que moi? En côte de maille. En côte de maille. Voilà, merci. J'avais pas l'image, donc c'était difficile. Ah, c'est ça, c'est un petit peu plus dur. Donc, c'est des souliers de Paleo Barefoot à 265 $, Pro Native Chainmail Running Shoes. C'est supposé être pareil comme sensation que de porter rien du tout, d'être nu-pied. Sauf qu'on peut marcher sur des blocs Lego sans aucune douleur avec ces souliers-là, nous disent-ils. 265 $ pour marcher sur des Lego, hein? Tu sais, imagine l'argent que tu vas pouvoir faire avec ton talent. J'imagine. Donc, il y a une petite vidéo de 11 minutes, si vous voulez la voir. Pour expliquer des souliers en chaussettes. Des chaussettes, mais j'avoue que ça ressemble à des chaussettes, des petits bas courts là, qui arrivent en dessous des chevilles. Ça ressemble à ça, mais c'est fait en code de maille très mince. Ensuite, on va parler de choses un petit peu... de mort. On parle de mort. Ah? Avec une urne cheap. Pour les gens qui veulent pas payer cher. Tu sais, c'est cher de mourir, c'est cher de se faire enterrer, c'est cher même la crémation, comment on appelle ça, crémation, un truc, se faire brûler... L'incinération. Voilà, l'incinération. Même ça, c'est cher. Ces petites cannes de café, mais redécorées, peuvent contenir 62,8 pouces cubes de cendre ou n'importe quoi d'autre, j'imagine. Et ça fait le travail pour pas cher, pour 9,50 $ américains. Ça s'appelle Modest Urns. C'est disponible sur McPhee.com. Et c'est vraiment, ça ressemble à une canne de café, mais avec une name tag, une étiquette de nom comme... Hello, my name was. Ah, c'est cute. Oh, hein? Salut, mon nom était. C'est charmant. C'est beau. Et de l'autre côté, si vous avez un animal de compagnie, c'est une urne biodégradable pour animaux de compagnie. Ça s'appelle les Bios Urns. Donc, c'est tout petit, évidemment, pas assez pour votre cendre à vous, si le cas échéant. C'est biodégradable. On trouve un verre à café. Oui, c'est vrai. Et ça vous permet de retourner rembourser la nature pour votre vie, si on veut. Parce que c'est biodégradable, non seulement ça, mais c'est qu'en plus, tu remplis la urne des cendres de ton animal de compagnie. Tu remplis ensuite la capsule du dessus de terre qui vient de l'endroit où tu vas planter ton pot. Et ça va faire pousser un arbre. C'est non, cool, hein? Beau. Ça permet la germination. Ça contient du phosphore, bref, c'est un fertilisant. Bon. Biodegradable Urn Kit, c'est disponible chez Firebox. Avec un arbre jalapeno pine. C'est une sorte de pin, ça. 111 $ américains. On peut aussi choisir une autre sélection, large sélection, en fait, d'arbres disponibles sur le site du manufacturier. Fait que bref, tu payes 10$ pour l'être humain puis 111 pour l'animal, c'est ça? Tout à fait. C'est bon. Où est le problème? Nulle part. maintenant, un parasol, parasol en forme de nuage. Tu sais, on veut pas avoir un nuage qui nous suit au-dessus de notre tête tout le temps. Mais... ce nuage-là sert à quelque chose. Le Cumulus Parasol, c'est un parasol fait et créé par un studio de design basé aux Pays-Bas qui s'appelle Tower. Et ça passe de plat à gonflé en dessous du soleil. Il y a un panneau solaire sur le dessus. Et ça va prendre l'expansion et devenir un nuage. Puis en plus, on dirait un nuage dans Mario. Un nuage dans Mario ou encore un buisson. Si tu le colores... Oui, vert. Couleur. Couleur buisson. Oui, c'est ça. Avec l'énergie solaire, en 20 secondes de plat à gonfler. Et ça coûte seulement la bagatelle de $625 américains. Ah, ben tabarouette. Bien sûr. celui-là est particulier, je trouve. La peau humaine. C'est cool? Oui. T'aimes ça de coller sur de la peau humaine? Oui. Comme tout le monde? Oui, oui. Aimerais-tu ça pouvoir t'asseoir sur de la peau humaine? Ou en tout cas, quelque chose... Dans le fond... Dis-le, tu veux que je m'assoie sur ta face? C'est ça, j'ai toujours voulu. ça ressemble à de la peau humaine, c'est pas de la vraie. Donc, un designer basé à Londres, Gigi Barker. C'est une fille, donc une designer. C'est des skin chair. Ça ressemble visuellement et ça sent comme de la peau humaine. Arc. À cause du silicone rempli de phéromones. C'est de là que vient l'odeur. Le design et l'odeur de la chaise ont été modelés en hommage à un vrai être humain. Ça dit pas qui? Ça dit pas si c'est Jabba the Hutt ou autre, parce que ça ressemble à ça. Donc, Barker a fabriqué ça pour le London Design Festival du mois de septembre, donc ça s'en vient. Mais c'est en vente pour le public aussi, si vous avez la petite somme dans vos poches de $2,500. Mais si tu veux moins cher, Ouais. Le pouf, $675. Ah, il n'y a rien là. Abordable, comme on dit. À l'abordable, comme disaient les pirates. À l'abordable! C'est ça. Si c'était une table, on dirait qu'elle est abortable. C'est abortable. Puis si on avait faim, abortendre. Abortendre. Ah, c'est correct. Je peux arrêter. Je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. L'été se termine bientôt, mais dans la piscine, on veut faire des batailles. Des fois, on va faire des batailles avec des noodles, des petites nouilles. Ben oui. Est-ce que t'as vu le petit fusil en nouille? Ma soeur, elle a acheté ça. C'est comme un fusil que tu pompes, tu peux tirer de l'eau au bout de la nouille. C'est l'apparence d'une nouille, mais c'est un fusil. Mais bon, c'est pas c'est le seul. C'est mesquin. C'est mesquin. C'est pas le seul que je vous parle. Je vous parle d'une épée. Une épée de nouille. Une épée de nouille. C'est à moi tu parles? 7,25$ américains. $7,25. C'est évidemment non mortel comme arme, même si c'est une épée, pour s'amuser dans la piscine. Poignée ergonomique, allô? Bonjour, enchanté. Poignée ergonomique. C'est n'importe quoi. Le prochain aussi, c'est n'importe quoi, c'est pour enlever les cochins qui ont en dessous de tes souliers. T'sais, des fois, tu ramasses, je sais pas, peut-être du caca de chien. Pilé sur une gomme. Pilé sur une gomme. Ou pilé sur une grosse bibitte. Oui. Ou ton chien a mangé une gomme. Puis il a fait caca? En dessous de tes souliers. C'est ça. Donc, quand ces poignées-là, t'as besoin d'un petit outil pour les enlever. C'est pour ça que la série Mud Fighter existe. Les combattants de la bouette. Donc, c'est parfait pour ceux qui font peut-être de l'hébertisme. On va parler tantôt. Ben oui, par hasard. De la randonnée, des trucs comme ça. Donc, si vous avez un chien aussi. Il y a la Mud Ball, qui est comme une boule, hein, pour enlever. D'apparence, une balle de ping-pong noire, écrit Mudball dessus. Il y a un petit bout de plastique qui dépasse, une genre de langue de plastique, languette. Et tu peux, avec la languette, frotter contre ton soulier. Tu peux curer les dents de tes souliers. Exactement ça. Tu pourrais aussi prendre un couteau. Ouais, mais si c'est du caca de chien, si tu le jettes après, là. Mais une toast au caca de chien, c'est excellent. Non, je sais pas. Donc, t'as aussi... Gratiné. C'est bon. Tout ce qui est gratiné est bon. La Mud Blade qui existe aussi et le Mud Fighter qui est une brosse et un scraper ensemble. Bref, il y a plein de petits modèles. Ça ressemble à un gratte-vitre, cette histoire-là. C'est super le fun. Ouais, pour la glace l'hiver. Exactement. Ça coûte entre $10.60 et $17.27 américains, dépendant du modèle. Si t'as des stylos dans ta poche, dans ton sac à dos, dans ta sacoche, hein, mais là, tu te dis, Colin, ça marche pas sur mon iPhone. T'es là, puis là, tu gratouilles ton iPhone avec ton stylo. Mais oui, on sait quoi faire. Ça marche pas. Tu veux pouvoir convertir ton stylo en un stylet. Ça s'appelle Stretch Right. Oh. Hein? Donc, Stretch Right, c'est un agrippement qui s'étire et qui va instantanément changer votre crayon ou crayon à mine ou stylo, peu importe, en stylet compatible avec votre écran tactile. Donc, vous ajoutez ça au bout de votre crayon et ensuite, vous étirez le caoutchouc jusqu'à l'autre côté. Tu comprends que c'est comme un genre de condom, si on veut, à crayon, qui va s'attacher aux deux bouts. Et voilà, c'est fonctionnel. Après ça, Stretch Right. C'est super beau. Quand même. Et c'est pas juste utile pour faire un stylet. J'imagine que tu vas pouvoir quasiment t'en servir comme je sais pas si. Moi, non, tu vas pas pouvoir t'en. Comme, juste comme un truc pour agripper ton crayon, mais non, parce que le bout stylet est obligatoire. Je pense pas que tu peux s'enlever le bout stylet. Ouais, non, je pense pas. Mais ça a été pratique, c'est fait ça, t'as quoi? Ouais. Ça a été pratique. Donc, Stretch Right rouge, gris, bleu. Non, attends. Rouge et gris, ou encore bleu et rose. C'est une combinaison de couleurs. Pour 9,99$ pour un paquet de 2 sur le site de Stretch Right. Évidemment, tous les liens sur assemblagerequis.com. Le prochain, c'est un bijou. J'ai tendance à pas tellement parler de bijoux babel souvent parce que Caroline, c'est pas des gadgets. Mais des fois, il faut s'ouvrir les horizons un petit peu avec un collier en forme de plongeur pour mettre au-dessus de ton ravin, aussi nommé poitrine, dépendant des gens. Mais écoute, ça dépend des goûts, hein? C'est drôle, par contre, non? Pour une lifeguard, quelque chose comme ça, ça peut être drôle. Donc, c'est vraiment juste ça, un petit collier de la collection de l'artiste Takayuki Fukusawa. C'est des petites personnes qui plongent dans ta poitrine. Voilà. Présentement, c'est juste des prototypes. Ça pourrait se vendre s'il y a de la demande. Parlons de boisson maintenant. Quand tu veux transporter ta bière, hein, tu peux la mettre. Non. Entre les seins, à côté, t'as déjà un collier, fait que ça prend de la place. Sur la bédaine. Bédaine. Comme Homer. Craque de fesses, t'as des vraiment grosses fesses, j'imagine. Puis t'as chaud. Moi, ça, je fais pas toi. Aussi. T'as comme le grand tas, pas toi, tas. Le grand tas. Le gros tas qu'on appelle. Bref, pour mettre votre bière, quoi de mieux que votre cravate? Hein? Ah? C'est la Beer Cozy Necktie. Necktie, oui, voilà. À la mode, totalement, pour une trentaine de dollars environ. C'est une cravate avec un genre de collier autour. C'est pas une vraie cravate comme en tissu, t'as remarqué? Non, on dirait, tu sais, les tissus... Les espèces de pochettes qu'ils vendent au Dollarama, là, justement, pour garder la bière froide. En genre de mousse, ouais. Si on veut. Ça ressemble en effet à ça. En feutrine, c'est le mot. Et là, tout le monde au party a ça et tout le monde a sa bière autour du cou. On dirait vraiment une gang de hipsters. C'est vraiment de mauvais goût. En plus, il y en a des bleus et des rouges, hein, un pour la Saint-Jean, un pour la Fête du Canada. Ah, peut-être ça. Ou un pour les gars, pour les filles, dépendant. C'est un beau bleu, par contre. Un beau bleu. Donc, 30$ environ. Voilà. Ensuite, fausse contravention de stationnement. Tu peux donner aux autres conducteurs leur faire une petite farce et attrape, leur faire peur avec de fausses contraventions imprimées sur du carton vraiment durable et épais. Chacune de ces contraventions est assez détaillée pour confondre même les gens les plus... avec l'œil le plus dans le... sur le... dans le... De lynx. Avec le lynx, c'est ça. Comme dirait Normand. 4,34$. C'est le prix. Pas pour un. Ben, il précise jamais ces articles. C'est pour 5. Voilà. Écrivez-le sur le site direct. 5, c'est par Big Mouth Toys. Voilà. Ça doit faire du bien. Ça doit défouler des fois. Oui. Tu sais, mange de marde. Tu sais, t'écris ça, puis c'est tout. Hein. Il a compris le message. Il est fait, ton message. Mais tu retrouveras jamais un de tes 5 parce qu'il ne va pas te le redonner. Non. À moins que tu écrives en bas, pourrais-tu me redonner ma fausse contravention? Ben oui. Les chats, ça aime faire ses... Caroline, you don't... Hein, ouais? Si longue que ça, la chronique, t'avais-tu vu? Si longue que ça. Le chat aime faire ses griffes sur du tapis, des fois. Ben oui. Même quand il n'y en a pas, il aime ça faire ses griffes pareil. Exactement. Mais est-ce que tu aimerais ça pouvoir lui jouer un tour à ton chat, OK, en lui faisant penser que c'est un DJ? Hein? Hey! Prends-tu pour un DJ, mon chat? Mais non, t'es pas un DJ. Donc, c'est une table tournante, 4 scratch turntables, super simple, 29,06$. Ouais, c'est vraiment nul. Mais il a vraiment l'air de faire du DJ. Wikipédia. Allons-y avec... Je sais pas, j'en saute un peu. Je vais aller plus loin un petit peu. J'aimerais ça passer à quelque chose de vraiment le fun. Ça, c'est cool quand même. Ton ordinateur, des fois, ou ta télé, la nuit quand tu dors. Moi, mon ordinateur est dans mon bureau, dans la chambre à coucher. Il y a des petites lumières bleues qui clignotent des fois sur mon ordinateur. Et le modem aussi, comme une douzaine de petites lumières. Je comprends jamais pourquoi il y a longtemps que ça. T'sais. Pour vrai, là, nous autres, on va dans le salon, on a vraiment l'impression que c'est le tableau de bord d'un avion. Ou c'est une strobe. Genre, tu sais, les lumières dans les bars qui font comme si ça éteint, ça allume, ça éteint, ah, ça allume. Si c'est... Oh. Trop black. Ouais, ça a l'air de tout ça et plus. Donc, il te faut les Dimit Light Dimming Stickers entre 6 et 14$ sur Amazon. C'est des petits autocollants noirs, ronds, super cute, très très minimaliste. Tu colles ça sur la lumière et dorénavant, tu ne vois plus. D'ailleurs, il y a plusieurs grandeurs de ronds. Donc, tu pourrais choisir exactement le rond de la grosseur du rond de ton écran et ça masquerait pas, ça empêcherait pas l'utilisation du bouton en tant que tel. C'est cool, ça. C'est très cool. Mais je pourrais même pas mettre ça sur mon la lumière de mon écran d'ordi. Parce qu'il est comme un petit bonhomme en bouche de sourire. Oh non! Il est comme en long puis ondule. Ça, c'est plate, ça. Il faudrait que j'en colle plusieurs. Ouais. Ça serait pas beau, je pense. Non. Change d'écran. Bonne idée. Ah, tiens. Ça, c'est cool. C'est un moule à gâteau pour faire un gâteau piñata. Oh! Un gâteau piñata. Fait que là, tu le smashes. What? Ça revole partout. Genre, je sais pas si en fait tu peux vraiment le fesser pour ouvrir, pour trouver les gâteaux. Je ne suis pas sûr. Donc, avec le Piñata Cake Pan, vous pouvez créer un gâteau avec un extérieur de glaçage et à l'intérieur, par exemple, peut-être des M&M. 20,32 $. Ah, oui. Oh, c'est génial, ça. Ça a l'air bon. Il y a une petite vidéo d'une minute 45 environ pour vous montrer quoi ça a l'air. Ça a gagné un prix là, quelconque. Ils l'ont montré pendant 2 secondes. Tant qu'à se montrer plus longtemps, vous avez gagné un prix, bâtard. Ah, ça a l'air compliqué à faire. Ouais, je trouve aussi. Mais bon, l'intérieur, il y a comme un genre de OK, il faut vraiment que tu fasses les deux morceaux. C'est ça. T'es collé avec du glaçage. Mais c'est bien fait quand même. Ça fait une boule. Une boule. C'est le Piñata Cake Pan, encore une fois. Des contenants pour la boîte à lunch maintenant qui prennent de l'expansion ou encore peuvent s'aplatir sur eux-mêmes. La semaine passée, on parlait d'une bouteille d'eau qui s'aplatissait sur elle-même. Ouais, tu disais, savais pas que ça existait déjà? Oui, bon, OK. Mais les bols, eux, est-ce que ça existait déjà? Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est des bols de collation, des bols pour repas qui se replient sur eux-mêmes. N'est-ce pas? Je sais pas. C'est pas? Ça existe? C'est des Smart Planet. Voilà. Donc, ça va prendre de l'expansion pour retenir votre nourriture et ça va s'aplatir pour le ramener à la maison. Ça s'aplatit pas tant que ça quand même. C'est le Collapsible Eco Meal Kit avec une base de silicone sans BPA. Et ça prend à peu près la moitié de la grandeur une fois que tu le replies sur lui-même. Le bas du contenant peut aller au lave-vaisselle ou encore au micro-ondes, mais pas le dessus. C'est disponible dans une variété de styles et de grandeurs pour pouvoir choisir celui que vous voulez. Il y a même un contenant pour point de pizza. Tout ça sur le site de Smart Planet. C'est 3 contenants pour environ 10. Ça va entre 8 $ pour le bol et 18 $ pour un truc à 3 compartiments. Bref, on s'en fout. C'est cool, c'est parfait ça. C'est cool. Ensuite, un cadenas qui n'a pas besoin de clé. Hein? On appelle ça un cadenas avec une combinaison. Il n'y a pas besoin de combinaison ni de clé. Oh, OK, là, tu m'aides. Je te perds complètement. Apprends-moi plus là-dessus. donc, le cadenas, évidemment, qui n'a pas beaucoup changé là, à travers les années. Comme tu l'as dit, combinaison. On ne change pas une combinaison gagnante. Oh! C'est à peu près ce qu'ils se sont dit. Et Nauk essaie d'amener le cadenas dans le 21e siècle avec un design qui n'a pas besoin de clé ni de combinaison. C'est un cadenas numérique qui utilise le Bluetooth, une application sur votre téléphone, bien sûr, pour le débarrer à distance ou le débarrer en marchant, en approchant le cadenas en tant que tel. Quand tu approches ton téléphone, ça peut l'ouvrir. Tu peux aussi envoyer un code temporaire, une clé temporaire à tes amis pour qu'ils puissent le débarrer aussi. Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est la révolution de la chose. Oui. Hey, va chercher ça dans mon casier. Bro. Parce que c'est un casier, tu l'appelles bro, là, t'es jeune. Donc, c'est parfait si tu as besoin d'aller faire chercher quelque chose. Sinon, si ton téléphone manque de batterie, tu peux quand même le débarrer en tapant un pattern, une forme prédéterminée sur le cadenas. Oh, ça règle parfait. Tous les problèmes qu'il aurait pu avoir. Parce que pour vrai, le téléphone pas de batterie, ça arrive tous les jours. Hein? Ben oui. L'appareil est en train de danser la danse du Kickstarter. On demande 59 $ pour la première version, la version pour les backers préliminaires. Il reste encore 26 jours, ils ont doublé leur score, toi. Wow! Ils sont à 261 000 sur 100 000. C'est sûr. Avec une idée comme celle-là, tu peux pas manquer ton temps. C'est fun, c'est révolutionnaire. Puis essaye donc de révolutionner ça, toi, cadenas. C'est quoi, après ça, tu vas révolutionner le papier de toilette, tu sais quoi? Ouais. Hein? C'est quoi? Tu vas être Bluetooth, hashtag. Il s'essuie aussitôt que tu approches ton fessier. N'importe quoi. Ensuite, allons-y avec celui-là, tiens, pourquoi pas? C'est le Shark Stopper. Qui repousse les requins avec de l'ultrason. En fait, de l'acoustique, du son. Donc, les requins, c'est mortel, bien sûr. On l'a vu dans Sharknado 2. c'est ça. Batman avait... je fais juste lire le texte. J'ai même pas lu celui-là. C'est le Sharkstopper. C'est un appareil qu'on peut porter sur son... sur sa cheville. Voilà. Qui émet des sons... c'est le son de baleines killer whales. Et ça, apparemment, que ça repousse les requins naturellement. C'est comme le prédateur naturel des requins. Donc, ah ouais? Les signaux ont été testés, ouais, sur une variété de requins, dont les requins marteaux, hein, et le grand requin blanc. Avec des résultats très positifs. Donc, c'est le Sharkstopper. Ça ramasse encore une fois de l'argent sur Kickstarter. Alors, on demande 275$. Ils sont à... il reste encore 43 jours. Ils sont à 16 000 sur 48 500. Ça va quand même bien. Ben, si ça marche, ça peut être intéressant. Hein? Pour les gens qui font du surf, des trucs comme ça, ça peut être utile. Ouais, des gens qui côtoient des requins. Mettons, comme mettons ceux qui goûtent assemblage requis avec nos auditeurs qu'on appelle les requins. Non, allô, les requins. On veut pas les repeller. Ben justement, on l'a pas acheté non plus. M'as-tu vu sortir ma carte de crédit? Non, pas cette fois-là. Parce que c'est subtil, rare. C'est ça. C'est rare. On revient à l'alcool un petit peu. Se vaporiser de l'alcool directement dans la bouche. Dans la face. C'est le vap shot. En plus, ça s'appelle le vap shot. Après le cum shot, le vap shot mini. C'est une machine pour utiliser à l'utilisation à la maison. Qui prend votre alcool préféré et le vaporise pour pouvoir le consommer directement à travers tes poumons à la place de ton estomac. Hein? Donc, tu vas ressentir l'effet beaucoup plus rapidement. Tu vas pouvoir utiliser moins d'alcool pour avoir le même taux de concentration d'alcool, donc pour avoir le même effet plus rapidement. En fait, tu vas utiliser un 1/60 du volume normal d'alcool, ce qui veut dire que tu vas aussi devenir plus sobre plus rapidement après ça. Ah? Ça, ça pourrait être bien. Par contre, tu as comme un effet rapide et tu le perds plus rapidement. Donc, tu vas pouvoir aller conduire plus vite après. C'est comme du chicha. C'est comme la chicha qu'on a parlé tantôt, non? C'est de l'aspiration de vapeur, non? Ça tue. Ça tue, est-ce que c'est dangereux de... C'est ça? Oui, c'est dangereux de... C'est dans cette chronique-ci, ça? Oui, c'est ça? Ouais, on la comprend. Oui, oui. Je suis plus sûr. Donc, 1/60 de l'alcool, du volume d'alcool est nécessaire pour faire la même chose que le 60... que les 60/60 au complet. C'est dit que c'est une expérience complètement différente par rapport à boire comme on le ferait traditionnellement. Et on dit que ça reste sécuritaire pour tout le monde. Vous pouvez utiliser vos propres esprits, là, tu sais, esprits comme une sorte d'alcool. Et vous allez commencer à les goûter aussitôt que vous allez les inhaler. C'est 900$ pour la machine qui vient avec deux bouteilles qui sont nécessaires pour consommer les vapeurs. Donc, il y a plus de détails disponibles sur le site de la compagnie via assemblagerequis.com, mais en tant que tel, il faut se servir de leur bouteille avec l'alcool que tu veux, si je comprends bien. Ouais, OK. Si je comprends bien, mais ça veut pas dire que je comprends bien. J'ai l'impression qu'il faut t'acheter leur alcool. Peut-être. Peut-être bizarre, aussi. Là? Peut-être. Attends un peu. Il y a comme l'air d'avoir un bouchon bizarre, là. Ça dit, ça vient avec deux bouteilles qui sont nécessaires pour consommer les vapeurs. On voit la bouteille de whisky sur la photo, c'est bien ouais. Ça que tu pointais. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est. J'imagine. De toute façon, t'as-tu moyen de l'acheter? Jamais bon, de la vie. Ben, ça finit là. Mais il y a une petite vidéo si ça vous intéresse. Ça dit que boire, c'est tellement 2013. Le prochain, je l'ai mis dans les gadgets, même si c'est pas super révolutionnaire, mais parce que moi, je le veux, ça. C'est le Earbuds Tethering Necklace. C'est un collier, OK? J'essaie de te l'imager un petit peu. Là. C'est comme un demi-collier qui s'attache pas ensemble. C'est comme le truc que tu mets après tes lunettes pour les laisser tomber dans ton cou. Oui, mais fait plus... Fait que c'est super quétaine. Moi, je le sais, mais de couleur fluo, wow. En genre de caoutchouc, et ça fait juste pogner le fil de tes écouteurs pour qu'ils tombent pas de toi. Mais j'avoue que ça a l'air vraiment quétaine, mais avoue que le côté pratique est vraiment Oui. là. Oui. Il est vraiment là. Oui, c'est pratique. C'est super cool. Donc, c'est les Earbuds Tethering Necklace, 17,99$. C'est ça, les couleurs sont, j'imagine, pour contrer l'aspect quétaine. C'est pour t'empêcher que tes écouteurs soient tout mêlés dans tes poches. C'est cool. Très cool. Surtout pratique comme le gars dans la publicité, quand il va s'acheter quelque chose ou qu'il rencontre un ami, tu laisses tomber juste une écouteur. Il y a tellement d'attitude. Ah, le gars, là, il est cool. Pour vrai, je le veux comme ami. Il est cool. Bon. Vraiment. Bon. Quirky est le nom de la compagnie. Je pensais que c'était le nom du dude. Quirky. Il me semble que t'es quirky, pardon. Quand tu manges du spaghette, est-ce que tu prends une fourchette et ou une cuillère et ou une fourchette et une cuillère? Moi, je suis pas fendante. Là, je prends juste une fourchette. Pas de couteau? Tu m'en veux? Le couteau? Tu as des gens qui coupent leur spaghette? Non, ça, pas que tu me fasses. Quand je mange le spag avec la sauce de ma mère, ça me rappelle mon enfance, je le coupe en petits morceaux. Mais sinon, quand je mange des pâtes, en général, je les coupe pas. T'aimes pouvoir faire le... comme ça? Non. Non, moi j'aime ça avec une tranche de pain au beurre. Ça met de la sauce partout. Bref, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que la spaghetti fork existe. La spaghetti fork pour vraiment manger vos pâtes d'un seul tourniquet de fourchette. Hein? C'est une fourchette avec des petites dents sur les côtés, mais des dents courbées. Ah. D'accord? Donc, les dents courbées vont s'agripper plus aux pâtes. Fait que ça se fait des crustes de grosses bouchées. Mais c'est ça qu'on veut avec une tranche de pain, entre autres. Là, bon. Peut-être que ça va t'empêcher de mettre de la sauce partout. Hein? Donc, c'est disponible en deux grandeurs. C'est ça, il y a quatre petits pics courbés sur les côtés. Pour twirler comme un champion, toi. 12$ sur Internet. Je pense qu'on devrait continuer. On devrait, hein? Cool. On n'arrête plus, là. Lâche-toi lousse! OK. Alors, on continue avec une machine à bonbons ou à noix. C'est le Nut and Candy Jar Dispenser qui s'appelle Snack Spout. Donc, si t'aimes les noix et les bonbons et que tu veux pas avoir à ouvrir des pots, hein, tu sais, et que trop lâche. Mais trop lâche. Et aussi, il y a le fait que tu veux pas que les autres mettent leurs microbes dans tes pots de noix et de bonbons. Peut-être plus ça, là. Peut-être plus ça. Donc, de toute façon, touche pas à mes noix. C'est ça. Don't touch my ça nuts. Ça finit là. Ou en français, ne touche pas à mes testicules, si tu retraduis ensuite. Oui, c'est ça. C'est une vieille chronique, ça. C'est une vieille chronique qu'on fait plus parce qu'elle marchait pas bien, bien. Qui s'appelait Parlez-vous le français. Voilà. Bref, Snack Spout. Maintenant que je l'ai fait, je la trouve drôle, par exemple. Donc, Snack Spout, c'est un appareil qui se visse sur votre propre pot de noix et ou de bonbons et qui le transforme en genre de contrôle des portions et méthode sanitaire de distribution, si on veut. Évidemment, ça m'empêchera jamais de passer à travers le pot au complet. C'est même relatif. Contrôle des portions, on mange donc tout un pot de noix. Mais c'est ça, donc ça devient une distributrice. Donc vous tournez un bouton et ça vous fait tomber une portion. Mais en fait, vous tournez pas, je pense que vous pesez dessus. En tout cas, peu importe. Mais ça vous fait tomber une portion dans votre main mais directement. C'est pas clair, ça sort de où? Ben, moi, ce que j'en ai compris, mais encore une fois, on est vraiment tous. On y va avec les images, on n'a pas le produit devant nous. Là. Mais il y a l'air d'avoir un bouton au bout. Et d'après moi, si tu appuies sur le bouton et que tu mets ta main en dessous... Oui, c'est dans le petit tube en dessous. Dans le petit tube? Voilà, d'accord. Je l'ai vu sur la même photo que toi. Mais donc, ça fait tomber une poignée de peanuts, un petit peu comme dans une machine. Mais en fait, il y en a comme probablement quatre fois la portion que tu aurais de 25 cents. Ouais. Une portion raisonnable de 25 cents qui te donne 3 peanuts, merci. Contrôle des portions, qui disent. Non, c'est plus contrôle de vos profits, mais bon. Donc, ça s'appelle, encore une fois, le Snack Spout. Hey, je l'avais mis dedans! Je l'avais mis dans les liens! La Jones au ball de pin que j'ai parlé tantôt. Hein? Je l'ai mis dedans et là, c'est le prochain. Donc, Jones, Peanut Butter and Jelly Soda. Non, mais là, c'était pas eux autres qui l'avaient fait un à Poutine? Ou... Oui, ils font, c'est eux autres qui font tout, en fait. Mais comment tu fais comme pour y goûter? Tu cherches parce que les épiceries ont tendance à avoir juste genre framboise bleue. Racinette. Ouais, c'est facile. Les extrêmes, ils ont pas partout. Hein. Colin. Il y en avait dans le temps chez Maxi, je pense qu'il y en avait. Mais c'est parce que je veux goûter à ça, moi, là. Peanut butter and jelly soda. Genre, j'aimerais ça pouvoir faire une malbouffe de la semaine, genre tout de suite, tantôt, avec ça. Oh, tellement. Mais bon. Ça a l'air bon, c'est mauve. Oui, pourquoi mauve en plus? C'est-tu une confiture au raisin, peut-être? Ça doit être au bleuet. Peut-être au bleuet. En tout cas, bref, Jones Soda Peanut Butter and Jelly Soda. C'est eux qui avaient fait aussi Tofurky and Gravy, donc dinde au tofu et sauce brune. C'était eux. Jones, une compagnie qui essaie des choses, et pour vrai, c'est cool les compagnies qui essaient des choses. Bon. Hein? Ben oui! Moi, ça le dit. Jones. Ensuite, un robinet de salle de bain publique. Mais je pour pensais votre que t'allais dire un robineux. Mais pour votre salle de bain à la maison, c'est super simple, c'est très en bref. Pour 48$, vous allez pouvoir transformer votre évier, votre sink, votre lavabo, dépendant dans quelle pièce vous êtes, en un truc automatisé, pareil comme au centre commercial, où on passe la main et l'eau coule. C'est le Easy Faucet, mais Easy comme EZ, bien sûr. Ben oui. Comme tout ce qui est facile. Sur Amazon... 47,80$. Le nom complet, c'est le iTouchless Easy Faucet Pro Automatic Touch-Free Faucet Adapter. Bonne chance. Ensuite, retrouvez le Nord avec un 5 cents qui pointe vers le Nord, mais un 5 cents américain. Donc, c'est le Covert Compass de la compagnie Schomer Tech. Covert, comme dans Incognito, bien dans ma peau. Une autre chanson de Céline Dion. Donc, c'est vraiment un vrai 5 cents qui a été modifié pour fonctionner comme boussole, comme compas qui trouve le nord magnétique. Il y a une petite encoche sur le pourtour. J'utilise en bas des mots fancy aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas un compas, c'est une boussole. Ouais, ben c'est ça, ouais. J'utilise des mots fancy, mais pas les bons. C'était pas des petits débrouillards qui avaient fait ça. Tu sais, tu prenais un bouchon de liège, tu faisais un petit trou, tu mettais une aiguille, puis tu la mettais sur l'eau, puis c'était supposé de pointer le nord. Ça se peut. C'était un de leurs... Fifi, c'est cher. Compas, les Français disent pas ça. Compas. Ben, c'est pas la même chose. Non, parce que compas, c'est mathématique, le truc pour faire les angles. Mais... Ouais. Pas les angles. On va faire des ronds. Des ronds. Excuse-moi. Des cercles. Ben, écoute, les Français, ils disent bien ce qu'ils veulent. Là. Du coup, truc de ouf, du coup, non. 24$ chez Shimmertex, le Covert Compass. Il y a aussi une version avec une pièce euro à la place de américaine pour 29$. Pour les racistes. Pour les racistes. Ah, ça, ça, j'en veux un, pour vrai. Quoi? C'est le Spray Paint Dry Erase Marker. C'est comme un marqueur pour les tableaux blancs, OK? Sauf qu'à la place, c'est un spray, bro. Oh! C'est un spray, bro. Donc, directement sur les tableaux blancs ou n'importe où, tu peux mettre du crayon Magic Marker. Pas Magic, mais Dry Erase Marker. Tu peux sprayer ça. C'est sprayer. Cool. Sprayer. Ben, c'est le verbe du verbe spray. To spray. Spray. Oui, oui. 10$ pour la canette. Yeah. Vraiment cool. C'est pour créer de l'art qui peut être effacé ensuite avec les petites effaces de tableaux blancs. C'est pour faire des faux graffitis. Voilà. C'est des cool. graffotis. C'est bon. Ah, oh, c'est bon. Pas assez bon pour l'écrire, mais bon, quand même. Ensuite, quand dans ton jardin, tu as envie d'une extension, tu veux pouvoir brancher des petites lumières sur le bord du trottoir, tu veux pouvoir brancher ton ordi. Ton ordi, oui. Ton iPad, je sais pas, n'importe quoi. Ouais. Un chasse-moustique. Des lumières de Noël. On pourrait consommer toute la demi-heure. T'as peu. Non, j'en ai plus une lampe à mouche. Mais tu trouves que ta rallonge électrique, ben, elle clash avec le décor, comme on dit. Ouais, oui, c'est ça. Elle fit pas dans le décor. Elle aimerait mieux que tu sois mort. C'est des affaires qui arrivent mort. Donc, c'est comme une liane de feuillage, mais en extension. Donc, c'est une extension verte avec des feuilles qui poussent par le bas. En plastique. En plastique, bien sûr. Et tu peux ensuite brancher ça dans le mur et ça passe inaperçu dans ton jardin. Voilà. Ouais, ça s'appelle Electrovine. Eux autres, ils l'ont mis vraiment sur le comptoir de cuisine, à côté du foyer. Ça rajoute de l'ambiance, non? Mais voyons donc. Hey, c'est vraiment laid sur le comptoir. J'avoue. Il y a le même kit de couteau que moi. Ah ouais? Wow. Donc, Electrovine, c'est super artificiel, mais en même temps, ça t'habille non. un décor extérieur. Non. OK. On demande 40$ chez Kickstarter pour votre propre Electrovine. On va aller voir si ça avance un petit peu leur affaire. Ils sont à 4000 sur 13000, il reste 9 jours. Pas super. Ils ont le tiers. Ouais, mais ça fait combien de temps que c'est là? Ça le dit pas, ça. Ça le dit sûrement quelque part. Attends un peu. Non, ça dit juste la date limite. Ça dit pas la date de début. C'est pas grave. Je la trouve pas. Bref. Une clé USB en forme de Lego. Simple. Oh! Pour les empiler l'une par-dessus l'autre. Mais là, simple. J'en veux... Donc, c'est ça. Ben, évidemment, il y avait des gens qui avaient fait du do-it-yourself avec ça. Mais là, c'est vraiment acheter. C'est officiellement un produit Lego. Vous avez un modèle 16 gigs pour 13$. Ça vient avec une brique bonus que tu peux ajouter par-dessus. Mais c'est juste la brique, pas de clé. Fait que là, c'est vraiment écrit Lego sur les petits ronds. Ouais. Là. Comme les vrais c'est pas écrit Lego. C'est parce que c'est pas des Lego. Ben, t'sais, c'est comme un Pogo. C'est pas écrit sur le bâton. Et ça. Faut que ce soit écrit avec Pogo. C'est le bâton. C'est le bâton. oui. Ça a pris combien de temps avec un short à phrase? À peu près 15 minutes. À peu près. C'est un faux sac brun. Parce que tu sais, un sac brun, moi. Un sac brun pour amener ton lunch au travail. Surtout les Américains, c'est connu, utilisent des sacs bruns. Bon, on voit ça souvent les filles. Hein? Ouais. Tiens ton lunch. Sac brun. T'arrives à l'épicerie, papier ou plastique? Papier brun. Ça fait longtemps qu'on a pas posé cette question-là, ici, par exemple. Si, parce que c'est rendu full illégal, le papier, illégal, le papier brun. Mais aux États-Unis, c'est encore à la mode, le papier brun, pour les sacs d'épicerie. C'est vrai. C'est bizarre, hein? Oui, c'est vraiment bizarre. Ils sont très arriérés. Je disais à... C'est pas pratique, là. Non, ils ont pas encore de puce sur leur carte, eux autres, ça veut dire ça? La puce, c'est en 2014-15. 14-15. Ben là, et l'année prochaine que ça commence, les puces, aux États-Unis. Wow! C'est nouveau, puis c'est comme, j'ai peur de ça, ils ont peur. La puce. Bon, on avait peur d'autres aussi avant. Oui, mais on est embarqué dans le millénaire courant il y a 14 ans, je dirais. 13, 14. Je suis proche de 14. Mais ça embarque en 2001. Ouais. Ça embarque en 2001. OK. Donc, ce faux papier brun, ce faux sac de papier brun coûte 19$. Oui, mais c'est un vrai sac. Ben, c'est ça. C'est un vrai sac de faux papier brun. J'avoue que l'ordre des mots est important dans la vie. Hein. Et la conjugaison, et le féminin masculin, et le pluriel. Ça glisse. Donc, ça coûte 100 fois plus cher environ qu'un vrai papier brun, mais, il est donc réutilisable. Ah, donc il est plus solide, j'imagine. Ben, c'est ça. Ça dit dans le coin, brown paper bag, lunch bag, et l'intérieur est isolé, machin. Ah! Oh! Ça change tout, hein? OK, ben j'en veux un. Parce que ça, ils le disaient pas dans l'article d'origine. J'ai cliqué sur Amazon, puis là, ils me le disent. C'est important. Je trouvais que ça aurait dû être dans l'article. Mais bon. Donc, isolé à l'intérieur, réutilisable, se lave. Donc, avec un chiffon et du, tu sais, wow, à l'intérieur, tout ça. Comme un vrai sac à lunch. Et c'est écrivable dessus, hein? Oh, fait que tu peux écrire « Dîner de Bart Simpson ». Puis l'effacer après, j'imagine, que si tu prends un marqueur pour tableau, j'imagine, je sais pas, là, j'avance, là, je m'avance. Tu prends la canne en spray, ouais, tu fais un gros graffiti dessus, « Bon appétit, mon chéri, range tes bossales », tout le monde à la job voit ça. Là, on s'invente des besoins parce qu'on pense que c'est vrai. On sait pas si on peut écrire dessus. Mais c'est marqué « writable », c'est pas marqué « erasable » après. Ouais, mais là... Je sais pas. Mais bref. Et c'est non déchirable. Bon. 20,57$, il en reste deux en stock si ça vous intéresse. Ça, on faudrait qu'on termine éventuellement, je te dirais. Ça fait 1h37min 37s qu'on parle. On doit absolument finir avec le duct tape. OK. On finit avec le duct tape. Après ça, on aura fait une chronique d'une heure pour la première fois de la vie. Donc, non, Simon Fitzbé faisait des 1h30 facilement. C'est un compliment. Donc, on va maintenant la compagnie qui fait le duct tape. Là, on sait que duct tape, D-U-C-T, c'est le nom du générique. En fait, le nom qu'on utilise pour le duct tape. Il y a une compagnie qui s'appelle Duct Tapes, D-U-C-K. Eux, c'est une compagnie spécifique de duct tape. Ben oui. Et ils font des duct tape Sense. Wow. S-C-E-N-T-S. Donc, t'as l'arôme du raisin, du citron, de la gomme balloon, des petits cupcakes gâteau style. De menthe et de, mon préféré depuis toujours comme senteur au mot d'air, de la crème à l'orange. Oh. Ou orange et crème. Que wow, j'aime donc l'odeur de l'orange et crème. C'est... Ah, wow! Hey, ça donne le goût de tout taper avec ça. Oui! J'ai envie de te taper à la bouche. Mais c'est ça, j'allais dire, je pourrais te taper à la face. J'ai vu venir. J'ai vu venir. Voilà, pour ça existe, mais ça devrait répondre là. La plus longue chronique qu'on a faite de toute l'histoire d'Assemblage Requis. Bravo! Ovation debout et la vague. Wouhou! 1h02min! Au retour, une troisième, entre guillemets, heure d'Assemblage Requis avec la bouffe et la malbouffe de la semaine. Ça s'en vient, ça? Ça tombe bien, mon ventre gargouille. On n'aura malheureusement pas une heure complète de ça parce qu'on n'aura pas le temps. T'sais. On n'a pas assez de bouffe non plus. Non plus. Quoique. Ah! Ah! J'ai peut-être vu le sac. Il est peut-être gros. Ton affaire à toi. Ouais, ça se peut que ça soit pas bon. Oh! Ben, à date, si on se fie à notre habitude depuis les dernières semaines, c'était moyennement bon la plupart du temps. Ouais, moins nos battes, 20% de succès. 25. 25. Parfait. 30. 30? Wow! 30. Tu vas loin. Ah, petit train va loin. Et voilà! Nouveau slogan pour l'émission. À tantôt! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Wow! De retour à l'Assemblage Requis, c'est la troisième heure de notre émission. Ça calme. C'est l'avant-avant, avant-avant, je crois, dernière heure d'Assemblage Requis cet été. Ah mon Dieu, tu comptes ça comme ça, toi? Bof, j'ai essayé, puis ça va marcher même. Il en reste trois la semaine prochaine. Ce sera notre dernière édition la semaine prochaine pour l'été. Ah mon Dieu! Donc, il reste 4 heures. Donc, c'est l'avant, avant, avant. Est-ce qu'il y en a un autre? Avant-dernière. Ah, je sais plus. Ouais. On va écouter toute la chanson, après une petite musique. Pour après de compter des... Every night in my dreams. Au début, je pensais que c'était hey, Macarena. Hey, j'ai vu sur Facebook une fille qui s'appelle Macarena quelque chose. Je te jure. Cool. Buenos Aires, Macarena. Bizarre. Hey, Macarena. Macarena, Macarena, tout garni. Oh, God. C'est Macarena, tout garni. J'avais compris. Okay. Some waves, we spit them back at you. And now it feels so saturated.

C'était Beef Donut qu'on vient d'entendre du côté anglophone avec leur extrait Far Like This, position numéro 6 anglophone. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, n'est-ce pas, Stéphanie Pardy? Que oui, Mathieu Plante. En effet. On cherchait quelque chose à dire là, parce que la fin de l'émission approche. D'habitude, on est là puis on dépasse. Mais là, aujourd'hui, on dépasse pas en tout. On a mangé trop vite. Trop vite. Fait que, écoute, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler un peu plus de la macarena. Est-ce que. OK. Là, je veux dire, tout le monde sait. Tout le monde connaît la macarena, c'est tout à peu près sa date de quand, mais est-ce que tu serais capable de me dire quand est-ce que c'est sorti cette tune-là? La macarena, c'est sorti en 1993. T'es pas loin? 2014. Non. 2012. Non. 2015. T'as pas de recul, ouais. Puis écoute, on a fêté son anniversaire il y a pas si longtemps parce que c'est sorti le 15 août 95. Wow! La pièce a duré de 3 minutes 51 et c'est classé dans le genre dance pop flamenco. C'était pas 3h51 la durée de la toune parce qu'il me semble qu'elle a l'air longue. D'après moi, il y a quelqu'un qui a fait un loop puis c'est celle-là qu'on a pognée ici. D'accord. Écoute, ça dit que ça l'a vraiment connu un succès planétaire dans les années 95-96. Et en 2002, la chanson a été classée à la première place des 100 plus grands One Hit Wonders. Selon la chaîne musicale câblée américaine VF1. Avec ses collègues comme le AQ Breaky Dance, ces affaires-là, là, j'imagine. Ouais. Gros succès là, des années 90. Oui. Ben oui. Mais même Steph encore Kass. Aujourd'hui. Oh oui, je sais, j'étais allée le voir en show, je trippais dessus quand j'étais petite. Mais peut-être pas à l'échelle planétaire parce que. Non, pas Steph Kass. C'est pas Steph Kass parce que c'était AQ Breaky Heart, ça là. C'était. Le père de Miley Cyrus. C'est ça. Billy Bob. Mais ça, Billy Bob. Ben oui. C'est sûr. moi, j'ai envie de dire, est-ce que t'avais d'autres choses sur la superbe macarena? Ouais, mais est-ce que t'es capable de me dire qui chante ça? Sans regarder sur Internet. Vraiment pas, non? Mais c'est un groupe de deux artistes. OK. C'est Los Del Rio. Oh! Tu connais pas ça? Ben non. Composé de Antonia Romero et Rafael Ruiz. Ruiz. C'est ça. Les deux. Ah, et le single est enregistré en 1992, puis diffusé en 1993 sous une version rumba flamenca. Il y a d'autres versions de ça. Hein? C'est une karaoké, fait que tu peux parler par-dessus. Ouais, je pourrais chanter. Ah oui? C'est à ton tour. Il n'y a personne qui connaît paroles. Mais j'aurais eu besoin des paroles. Veux-tu tasser ton écran et regarder ici? Attends, Macarena. Non, mais tasse ton écran. Puis regarde ici. Ah, je vois pas. Je suis myope. Mais non, mais j'ai trouvé parole, là. Tu m'as fait chanter tantôt en ondes, là. Dalla tu cuerpo aperto, alegría macarena, que te cuerpo y paladella de alegría es buena. Ben oui, c'est sûr. Je suis même pas au bon moment. Non, deux, un, c'est là. Dalla tu cuerpo, alegría macarena, que te cuerpo y paladella de alegría buena. Ça fait la bonne radio. Mais qu'est-ce qu'elle dit, là? Je sais pas. Elle l'a pas partout. Je savais pas qu'il y avait une version avec des paroles en anglais, probablement. Ah, je suis flabbergasté. Mais, Macarena. Mais, sinon, je vais pas interrompre ta lancée sur la Macarena, mais... mon Dieu. Vas-y. L'hiver d'après, il y a le Christmas Remix qui est distribué sous une forme de single pour Noël avec des sons de clochette. Ben non. Il y a un remix de Noël, la Macarena. Ben OK. Le veux-tu? Tu ben l'as-tu? Là, c'est sûr que je l'ai, mais non. Tu prends pour qui? Hein? Ça sonne dans les poches. Belle. À date, ça se ressemble, là. Il y a des filles qui se dandinent, comme dans l'original, je me dis. Oh! Quoi, il y a un bébé? Moi? C'est le petit Jésus, peut-être, j'imagine, d'après moi. Je pensais juste que c'était le soleil d'un Télétobies. Ben, c'est le remix de Noël. Oui, tu voulais me dire quoi, toi, là? Non, mais je voulais dire qu'on va se laisser, en fait, parce qu'on manque de temps. C'est tout pour cette édition de Assemblage Requis. On va se quitter avec cette extrêmement grande chanson de Los Del Rio. On se retrouve jeudi prochain avec 14h, les paparazzi fou, et 15h, Assemblage Requis. On passe le samedi à midi, c'est Assemblage Requis. Et ensuite, à 15h, c'est les paparazzi fou. Lundi, 14h, Assemblage Requis. 17h, paparazzi fou. C'est fou.ca. AssemblageRequis.com. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante de nous faire jouer de si bons succès. Ça me fait plaisir de libérer les ondes pour l'émission qui nous suit dans quelques instants. Pour les auditeurs du jeudi, ce sera Rock Révélé. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine. Bye!